KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Putain, je suis dégoûté, il y a toujours un truc qui va pas avec le PSG. Eh ouais, vous avez encore perdu. Ouais, mais c'est pas ça le problème, j'ai lu dans le journal qu'on allait peut-être perdre le Parc des Princes. Ah bon? Ça suffit pas de perdre vos matchs là, vous allez aussi perdre votre stade. Ouais, la mairie de Paris va faire un appel d'offres pour l'exploitation du stade et il y a plein de clubs qui vont postuler. On risque de plus pouvoir jouer là-bas. Bon, c'est pas grave, au moins vous pourrez enfin jouer dans un stade digne du club et puis qui sera peut-être plus à la hauteur de vos performances. Ouais, c'est vrai, le Stade de France, ce serait pas mal, ouais. Non, je parlais du City Stade, là, rue Jean Jaurès à Aulnay-sous-Bois. Ouais. Si Dr House devait écouter une seule émission de radio... À moins que vous ayez de la bicodine, allez-vous-en. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de malades. Je veux mes pilules. Non. Michael. 21h minuit. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Exactement, on est là comme tous les soirs entre 21h et minuit. Ça va bien? Ça va. En pleine forme? En pleine forme. Bon, tant mieux. Ça fait très Goliot. Ouais. Oui, bah écoute, faut bien. Hein. Ouais. Voilà, de temps en temps quand même être un peu Goliot. Bon, j'espère que vous allez bien, donc vous avez passé une bonne journée. J-4 pour l'Energy Music Awards. Non, 2. Ouais. Attends, on est jeudi, vendredi. Ah oui, 3. J-3. C'est pas demain, c'est après-demain. Voilà. Ouais. Voilà. Donc J-2. C'est bien, Sandra. J-2 et moi, demi. Moi, je suis à la ramasse. Hein. Alors là. Non, mais depuis que j'ai pas été invité, j'ai moins la tension. Ouais, c'est vrai. Tu vois, l'année dernière, j'avais quand même une petite tension. Tu vois, j'avais quand même rencontré la meuf. Ton ex? Oui, exactement. Exactement. Ah voilà. Oui, c'est vrai, t'étais invité l'année dernière, toi. Non, mais j'étais invité, mais j'étais remettant l'année d'avant également. Exactement. Voilà, donc voilà, non. Après, c'est, non, pas, mais grave. Après, moi, c'est pas grave. Moi, je les comprends. Ils savent que ça a été dur pour toi, la rupture avec Katy Perry, donc ils ont préféré ne pas attraper de mauvais souvenirs. Non, mais elle m'appelle encore, elle me rend ouf. Ouais, mais voilà, c'est pour ça. Elle me rend dingue. Elle lâche pas l'affaire. Non, mais c'est comme Fergie, c'est plus possible, quoi. Mais en plus, elle sera là, donc tu vois, c'est pas bien que vous vous croisiez. De toute façon, je vais changer numéro. Ouais, t'as raison, faut arrêter. Franchement, ouais. Faut arrêter. Non, non, elle me saoule. Ouais, faut pas te laisser prendre la tête. Par contre, apparemment, Jared Leto qui t'harcèle, ça t'énerve pas. Bah, non, mais il me harcèle pas, lui, parce qu'on est. Voilà, il me harcèle pas. Ouais, je t'aime pas non plus, c'est-à-dire que quand Jared veut, mais non, mais qu'elle dire... veut pas. Mais non, mais non, mais j'allais dire, on est potes, c'est même pas vrai en plus. Voilà, il est venu deux fois, et puis voilà. Et une idylle s'est créée. Mais une idylle de rien. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Il y avait des petits éclairs dans leurs yeux quand ils se regardaient. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Mais le meilleur dans l'amour, c'est le jeu de séduction du début. C'est vrai. Il est pas quand on n'est pas encore ensemble, mais qu'on s'envoie les petits textos. Le moment où je n'ai pas son numéro de téléphone. Mais oui, c'est ça, parfait. Bon, ça va Sandro, non régime? Ça va bien. Écoute, non, pas du tout, ça se passe bien. Ouais. Voilà, doucement mais sûrement. Ouais, doucement mais sûrement. Ouais, on a mangé un quick d'ailleurs. Oui, oh là là, mais comme des porcs. Pas moi. Ah bah non. Non, j'ai pris une salade. Elle était en train de bouffer, excusez-moi quick, mais enfin bon, elle était en train de bouffer un des sandwichs et elle aimait pas. Mais elle le bouffait quand même. Mais oui, mais non, c'est pas vrai. Dégueulasse. Mais non, il a assisté qu'à mon début de phrase. Mais je l'ai reposé après. Bien sûr. Bon bref, Top va bien aussi, en pleine forme. Très bien. Pedro qui est réalisateur ce soir. Oui, alors réalise. Non, Jack, parce que Jack n'a pas pu venir. Parce que malheureusement il avait une recette de pâtes à faire. Une couscous partie. Oui, une couscous partie. Non, il était. C'était une question de microbes. Ah oui, c'est-à-dire. Non, mais t'as pas vu comment il toussait sa race? Ah, ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Il mettait sans spray, t'es presque mort là. Quelle horreur. Et d'ailleurs, il y a une étude qui prouve que la plupart des maladies que tu les chopes au bureau parce que tes collègues l'ont ramené. D'accord. Bon, si vous êtes malade, dites-nous, mais par SMS seulement. Hein. Comme ça, on est sûr de pas être contaminé. 612, débutez votre message par énergie ou alors sur la communauté. Venez sur le fanbook et sur le Twitter. C'est sur mikl.fm. Voilà, rubrique la communauté. Mikl, le podcast. On va faire péter le répondeur aussi maintenant. 01 40 71 3400, écoutez les messages que vous nous avez laissés. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Ouais, comme vous le dites, hein, je vais la cracher, ma haine, bande d'enculé, vous m'avez même pas rappelé, j'ai gagné mardi, j'ai gagné il y a deux mois et tout, comme le fils de pute, putain, oh là vous là rappelez là pas, là. Tout le monde était moi, là, écoutez ça. Ouais, j'ai pris 2 heures à cause de vous, allez, ah oui, toujours oui. Vous me rappelez pas, eux, là, mais je vous traîne en justice. Hein. Sans branle. Message suivant. Ouais, mes chats, tu vas voir, je vais te défoncer. Oh, mais c'est la même. Tu m'envoies pas mes cadeaux avant que je te défonce, ouais. Parce quelle que, violence. Là, j'ai mon pote Saïd, j'ai mon pote Mustapha, j'ai Mousse Diouf et Diouf Mousse. Représente le 5e B. Ils sont dingues. Un AK-47 par personne. On va te plomber avec du calibre 12. Fin du message. Message suivant. Si tu as perdu ton droit encore à toute la classe, là. Pour ça. Si tu n'arrives pas à escroquer les passants, il y a une application pour ça. Si tu veux revendre de la contrefaçon en faisant croire que c'est de la marque, il y a une application pour ça. Il y a toutes les applications sur Ibrou, l'iPhone du Bled. Fin du message. Message suivant. Victor, c'est encore moi ce soir. Et tu comptes plutôt. C'est seulement pour dire que là, je suis heureuse parce que j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond un petit peu. C'est un mec qui est bisexuel et moi, peut-être je suis bi aussi. Tant mieux, et écoute. Là, on parle de plein de choses et c'est trop cool. Et pour dire, je ne suis pas homophobe et ah oui, je t'emmerde, connard. Et j'espère que demain, je serai pour le show parce que j'ai envie de te parler, mais très gentiment, ok? Alors, va te la foutre. Oh, que faire gagner? Bah, on peut faire gagner la 5ème B, mais on peut pas tous les rincer. Oh, si, Micha, il peut bien trouver des trucs pour la 5ème B. Micha, 2, 3, 4, 5. Non, tu vas pas faire partir tous les cadeaux de la soirée. Non, pas tous, mais... Bon, allez, bah tu... on fait gagner toute la classe. Toute la classe. Toute la 5ème B, Micha. Et comment je fais? J'appelle le délégué? Comment on fait? Il y a les DVD, il y a les jeux vidéo, là, tu te débrouilles. Bon, okay, t'essayes d'avoir non, les tout le monde. Non, mais fais pas... Okay, une compile, une compile. Bah compile, ou DVD, ou n'importe quoi. Ouais. Ou l'écran plat 42 pouces que t'as chez toi, là. Oui, ou celui qui est derrière, là. Il peut passer, là. Oui, ou le tien. Ouais, bah moi j'en ai pas chez moi, j'en ai un 27 si tu veux savoir. Ouais, bon, on va trouver quelque chose. Ouais, on va trouver, ouais, c'est ça. Bon, bah très bien, voilà, répondeur, c'est passé. Et on rendra hommage également, enfin pas vraiment nous, mais c'est un groupe de rap qui a décidé de rendre hommage à Super Nani. Ouais, c'est vrai qu'il est décédé. Ouais, ouais, un morceau de rap, ils ont pas signé, parce qu'on sait pas qui c'est qui l'a fait. Bah, mais en tout cas, ils l'ont fait. Apparemment, il y aura un nom quand même qui circulerait. Ouais. Je crois que ce serait les FDP. FDP? D'accord, ok. FDP, bon, bah, en tout cas, oui. Ça... On le mettra. Les fils de pute. Les fils de pute, donc, alors. Hein. Bah, forcément. Non, les ça fils peut de être papa. Quoi, ouais. Oui, voilà, fils de papa. Par exemple. Ferme, la ferme de papa. Oui, ouais. Aussi. Bon, enfin, bon. Bon, et donc, on en parlera tout à l'heure. On a également le C'est qui de ce soir, là, à votre avis. Qui est-ce qui chante ceci? Écoutez bien. Oh my God, we're back again. Non. C'est quoi? Oui, enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle chante? C'est quoi qui chante, quoi? Oui, on avait... Bon, quelle est la version originale? Voilà. Oui, c'est plus ça la meilleure question. Je rassure tout le monde, c'est pas moi qui chante. Non, et on aurait pu croire. C'est quand il sera facile. C'est un drame. Voilà, si vous avez une idée, 612 débutez par énergie et puis vous mettez la réponse avec votre numéro de téléphone ou alors sur mikl.fm, vous allez dans la communauté et putain, ça fait du bien. Ferme leur gueule, ça fait du bien. Comment elle détruit le morceau. C'est très violent. Bon, donc mikl.fm dans la communauté sur Twitter et sur le Facebook. Et donc tout à l'heure, j'ai regardé la télé et il parlait d'un sondage qui vient de sortir aujourd'hui sur la sexualité la sexualité des meufs, et il y a des trucs que je voulais vérifier avec vous. Hein. Alors, l'étude dit que 40% des meufs ne sont pas satisfaites par leur mec, mais qu'elles sont de plus en plus ouvertes. Sandro, c'est le cas? Bah, je sais pas, tu dis toujours que je suis un homme, je peux pas participer à ce sondage. Non, ça t'a toujours dit que t'étais une moitié, donc tu peux participer à tous les sondages. Ouais, c'est ouais, mais tu sais, sur le masculin-féminin, c'est le masculin qui l'emporte, donc c'est ma bite qui l'emporte ce soir. Très bien, c'est ce qu'elle dit. Hein. Hop, voilà. Donc, par moi, elles sont plus ouvertes, puisque 78% acceptent la pipe avec plaisir. Encore heureux. 40% regardent des films porno avec leur mec. 38% aiment la sodomie. Alors ça, c'est beaucoup, par contre. Ça fait 4 femmes sur 10, c'est pas énorme. Bah, ça va quand par même. Par rapport à avant, c'était beaucoup. Ou alors ça se disait moins avant, peut-être. Hein. Et Sandro? Alors, tu acceptes de la faire? Sandro, bah, elle encule, pour le coup. Oh, plus. T'es bonsoir dégueulasse. À tous. Quelle horreur. Et 22% utilisent des sextoys. Donc, dites-nous, les filles, hein, comment ça se passe chez vous. On va faire notre petit sondage, hein, comme ça, on saura si on a des auditrices branchées cul. Pour les filles à toff. Non. Comme ça, elles pourront rentrer dans les 40%. Oui, bah, bien sûr. Bon, bah, dites-nous, donc, 612, débutez votre message par énergie avec votre numéro de téléphone. Mickaël, le podcast. Et on parlait de ce sondage, donc, tout à l'heure, dont on va parler dans quelques instants avec Aurélie d'ailleurs. Donc, c'était un truc à la télé, un reportage que je regardais à la télé. Donc, il y avait une étude qui dit que 40% des meufs ne sont pas satisfaites par leur mec, mais qu'elles sont de plus en plus ouvertes, puisque 78% acceptent la fellation, 40% les films de cul avec leur mec, 38% la sodomie et 22% utilisent des sextoys. Ce sont de plus en plus des cochonnes, mais qui ne sont pas rassasiées. Ouais, bah on peut voir, ou parce que ces mecs sont pas assez bons. Après, c'est une autre solution. Oui, ils ne sont pas rassasiés, voilà. Pas rassasiés, voilà, c'est ça. Bon, donc dites-nous, 612, débutez par énergie, vous laissez votre numéro de téléphone, mikl.fm dans la communauté, ou alors tout simplement au standard 0800 70 42 48. Voilà, bon, 21h16 et 35 secondes. Faut attendre 17. Oh, ah, ça y est. Ah, ouais, mais les tocs reviennent. C'est pas le toc. Si, c'est un toc, ça. Hein. C'est l'heure. On va pas faire des infos à une heure qu'avec des secondes. Oui, oui. Il faut attendre. Oui, ouais, c'est important. Ça veut rien pour dire. Pour tout le monde. Oui, on va attendre. Ah, on va attendre. Papa. Monsieur a des tocs, il faut s'y plier. Fougie. Nous sommes en janvier 2010. Bonsoir à tous. Politique. Jean-François Copé veut sanctionner les gens qui portent la burqa d'une amende de 750 euros. Ouais, croire qu'une amende va dissuader les gens de mettre la burqa, c'est se voiler la face. Drame dans le Val-de-Marne. Un professeur a été mis en examen pour 11 agressions sexuelles de jeunes filles. Un prof ? Bah, j'espère qu'elles ont retenu la leçon. Science. Les pirates reviennent de plus en plus sur nos océans. C'est pourquoi des Écossais spécialisés dans l'armement maritime ont inventé un laser vomitif pour les éloigner. Oui, une photo de Martine Aubry aurait suffi. Grande-Bretagne. Le jambon le plus cher au monde se vendra 2000 euros. Pas cher pour une Suzanne Boyle. People. Jamel Debbouze va présenter 2 concerts de charité dimanche pour soutenir Haïti. C'est la première fois qu'il donnera un coup de main. Voilà le faux JT du jour, donc il sera bien évidemment dispo sur mikl.fm. Voilà, mais non, mais tu vois, on commence à 17, on termine à 18, c'est propre. Ouais, c'est propre. C'est ouais. Beau. Propre, ouais. On aurait commencé à 17 et 12 secondes, on aurait fini à 18 et 12 secondes, ça aurait été moche. Ça aurait été caca. Voilà, là on aurait perdu de l'audience. Pas beau, beau. Là on aurait perdu de l'audience. Ouais. Ouais, là oui. Mais juste là alors. Oui, alors que là, effectivement. Bon, on a Aurélie qui est là maintenant, 24 ans de Nanterre, une voisine. Comment ça va, Aurélie ? Salut, ça va ? Ça va, et salut. Toi ? Ouais. Salut. Bah écoute, ouais, ça va bien. Bah écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire. Bon Aurélie, est-ce que toi-même, comme dans le petit sondage qu'on a lu là, tu n'es pas satisfaite par ton mec et donc tu as besoin d'utiliser un sextoy, ou au contraire, tu es satisfaite et tu veux lui faire plaisir et du coup tu acceptes, ouais, comme 78% la fellation, 40% les films porno ou encore 38% la sodomie ? Alors moi je suis pas très film porno en fait. Mais par contre, mais par contre, bah, voilà, vous avez sauté sur la vanne. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et au début c'était, je dirais, classique, normal. Enfin, pour moi fellation c'était normal, donc. J'étais étonnée de savoir que voilà. Mais elle a raison, c'est normal. C'est normal. Ouais, pour moi c'était, voilà, pour moi c'était faire l'amour normalement. Ouais, une meuf qui suce pas, c'est pas une meuf. Oui. Non mais c'est vrai, ça ne va pas, voilà, je ne me posais pas la question à la limite. D'accord. Je prends du plaisir aussi, donc voilà. Et par contre, ouais, au bout de 8 mois à peu près, un soir il me dit je vais te faire une surprise, j'aimerais qu'on fasse un petit délire. Et en fait il est venu. Ah, je vais te faire une surprise. Ouais, il s'est fait une surprise plutôt. Ça c'est le cadeau empoisonné. Attends, ça dépend. Bon ouais, vas-y, c'est quoi la surprise ? En fait, il s'est mis, alors moi je connaissais pas, c'était un anneau. Ah d'accord. Avec un embout, il y a des petits picots au bout. Ah oui, en fait. Et il vibre. Non, il vibre pas, mais en fait, au moment de la pénétration, bah, les petits picots, en fait, s'occupent de moi. D'accord. Donc il a ah oui, c'est un... oui, d'accord, je vois ce que c'est. C'est ouais. Bizarre de rajouter des objets dans le cul. Bah, enfin, quand je dis dans le cul, je dis pas ouais, à l'intérieur de pas... l'anus. Je oui, dis, la pratique voilà. Sexuelle. Je sais voilà. Pas, je trouve ça toujours bizarre les gens avec les sextoys et tout, mais après c'est un délire. Mais tu sais, tu rentres du mais plastique en fait, dans voilà, ta meuf ouais. Et tout. Bah, alors tu sais, en fait, attention, je t'interromps, mais il y a des sextoys en verre. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est un objet étranger. Oui, alors, voilà, c'est vrai. En même temps, tu mets une capote, tu rentres du plastique aussi. Hein. Ouais. Bon, oui. Tu disais, Aurélie. Et je disais, bah, moi, en fait, ça me fait plus marrer. Enfin, tu vois, c'est pas du tout le côté. Je pars pas plus parce que là, on a un sextoy que voilà quoi. Mais c'est plus à la limite, on se tape des bons fous rires. Ouais. C'est déjà ça. Hein. Bah non, sérieux, ouais. Mais le cul en général. Tu peux souvent rigoler. Ah ouais, non, mais là, ils font des trucs, voilà, quoi, des anneaux avec des plumes tours, des canards, des trucs. Bah, alors, il y a des canards, je ne sais pas à quoi ça sert, parce que des canards vibrants, c'est bien, la meuf, elle le prend, elle mais est dans... comment, elle met quoi, mais tu mets pas, sans être, enfin, je vais pas être vulgaire, mais... Parce que moi, j'en ai, je sais pas à quoi ça sert. Et puis, t'as des attaches, normalement. Oh, Des attaches? Mais genre, tu mets une ceinture. Ouais, comme une espèce de petite ceinture pour que tu passes l'entrejambe qui s'occupe. Des mousquetons. Ah bon? Ouais. C'est pas un gode ceinture plutôt? Non. Mais sinon, t'as le canard, le bec de canard vibrant, tu prends ton bain et puis tu te caresses avec. Enfin. T'as des meufs, elles kiffent se faire ça sur les tétons par exemple. Ah ouais. Juste le côté vibrant et tout, ça les excite de mettre ça sur les tétons. Pourquoi pas, c'est un concept comme c'est, un autre. C'est hein, comme un doudou quoi alors finalement. Ouais, voilà, ouais. Ouais, bon. Faut éviter de le lécher derrière. Okay. Bon, Aurélie, reste là deux secondes, j'aimerais quand même avoir l'avis des mecs, Aurélie. C'est sans dose. 612, débutez votre message donc par énergie, vous laissez votre numéro de téléphone et votre réaction sur mikael.fm. Venez donner votre avis aussi sur le fanbook, j'ai mis un petit post là, ou sur Twitter, ça se passe sur mikael.fm, vous allez dans la communauté. Mikael, le podcast. Et on a Rocco Siffredi qui est avec nous. Rocco, comment ça va? Bene, bene, vous, si il pleut beaucoup, je suis à Los Angeles. Eh ben, c'est bien fait. Je préfère être à LA sous la pluie que au soleil à Paris. Voilà, surtout quand il n'y a pas de soleil. Bon, Rocco. Ouais. Ah, il y a un petit décalage forcément avec le retard. Bon, on t'appelle par rapport à ta nouvelle émission sur Energy 12. Oh, c'était un des trucs le plus sympa que je fais. C'était vraiment amusant. Malheureusement, pour les parents qui ont été très, très gentils, mais... Je me l'ai joué très très mauvaisement. Oui, oh bah c'est pas grave en même temps. Hein. Bon, et donc les parents, ils étaient vraiment pendant la vanne, ils étaient vraiment pas contents que leur fille te présente comme beau-fils. Ouais, mais je sais pas ça. Hein. Je crois qu'au début, ils étaient un peu bizarrement surpris, mais très. Oui, bah oui. Après, on s'habitue à tout, donc j'ai vu qu'au fur et à mesure, ils me regardaient avec beaucoup plus de sourire et de sympathie. Donc je trouve que quand tu es un mec sympa et rigolo, quoi que tu fasses, ça va pour les parents. D'accord. De toute façon, les parents, ils veulent la joyeuse de leur enfant. C'est la chose la plus importante. Donc j'ai compris que ces deux parents sont des bons parents pour cette fille. Ça, c'est sûr, 100%. T'as pas essayé de draguer la mère après? Ouais. La maman, t'as pas essayé de draguer la maman? Non, je me permettrai jamais. En plus, c'est une... Non, mais c'est vrai, c'est... Mais tu sais, j'aime pas tellement jouer avec les sentiments des autres. C'est pour ça que c'était un peu bizarre voir la fille qui passait ça à ses parents. Mais à la fin, c'est vrai que c'est un jeu. Donc, dans le moment que c'est un jeu, c'est un jeu. Mais c'était quand même très, très amusant pour moi. Parce que ça m'a donné la possibilité de jouer quelqu'un d'autre... C'est un nouveau rôle, quoi. En plus, l'opposé de moi, parce que je pensais que j'en avais marre, que j'avais envie de vomir, et c'est le contraire, parce que j'ai recommencé à tourner comme acteur depuis parce que je n'avais marre de plus toucher, c'est différent. Oui, bah oui. Et là, tu es en train de faire un nouveau film, ça parle de quoi? Écoute, je suis en train de sortir des bombes atomiques. Rocco is back. Oh. Rocco, je suis en train de faire... Je suis venu en Amérique parce que c'est ici qu'il y a les grands stars et je me suis dit, s'il faut recommencer, il faut recommencer tout de suite au top. Et donc, j'avais un peu peur au début à 45 ans, me remettre là avec les Américaines qui, quand tu commences, ils te disent pas, vas-y, baise-moi, bon, va, come on, fuck me the way you do it. You forget the way you do it or what? Je me suis dit, il faut bien que je commence à m'entraîner. Après, j'avais plein de filles, 19, 20 ans, 18 ans, qui voulaient tourner avec moi. J'avais vraiment une wait list. Je me suis dit, putain, c'est sympa ça. Et après, quand on commence les scènes, voilà, je me baisse les pantalons et les filles, oh my god, the famous dick. No, donc il dit, oh mon dieu, cette célèbre bite. Hein, voilà, ça. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais comment va-t-elle d'ailleurs? C'est sympa, mais ça me casse les couilles en tant que The Famous Dick. C'est... Non, je me dis, on s'amuse. Quel... Ah oui, bah tant mieux. Hein. Bon, je dois dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance à recommencer comme ça. Et je dois dire une chose, j'ai encore la forme. Je me sens un peu plus fatigué le soir quand même. Mais c'est normal, c'est l'âge. Hein. Eh oui, mais pendant la scène, ça va. Mais 2-3 heures de scène, je les assure sans problème. Oh là là, 3 ouais. heures de l'image, quelle horreur. 3 heures, et déjà, il faut tenir. Hein. Non, c'est ça le problème. Tu as beaucoup plus longtemps que ça, donc 2-3 heures, c'est vraiment... C'est quoi, tu dis? Pour nous, c'est rien, 2-3 heures. C'est le minimum. Tu veux être en porno star professionnel, 2-3 heures, c'est le minimum. Sinon, c'est mieux que tu changes de métier. Si tu travailles à la radio, voilà. Enfoiré, bah. C'est pour ça que c'est un professionnel. Lui, à 3 heures, il a vite torché ça, c'est fini. Il voilà. peut passer à autre chose. C'est ça, ouais. Bon, ben, Rocco, quand t'as terminé ton film, n'hésite pas à passer nous voir. Hein. Sans problème. Tu viendras avec des DVD, tout. Hein. Je veux dire, les nouveaux DVD qui vont sortir en année 2010, Rocco Siffredi's Back, c'est mes meilleurs films. Parfait. Je crois que j'ai mes 5 ans d'arrêt, ils m'ont donné assez de frustration pour recommencer avec beaucoup, beaucoup de faim. Très bien. Bon, bah, dès que c'est terminé, dès que t'es de retour, tu nous appelles, tu passes nous voir et puis on regardera Rocco is Back. Les artistes qui viennent sont toujours en live. Hein. Ouais. Ouais, il fera une petite scène en direct. Ouais. J'ai préparé Ravish Hollywood, je suis en train d'aller à Miami, Ravish Miami, parce que mes Ravish, c'est-à-dire, il va en faire de tout, donc après je pars au Brésil, ah oui. et le mois de mars, et après je pars en Russie, donc je suis en train de faire Ravish le monde avant que le monde il va terminer le 2012, bien que je Bon, hein. Et vous avez remarqué qu'il va voir que les bonnes. Hein. Oui, ça, c'est... L'Éricaine, le Brésil, la Russie. Parfait. Il s'est pas trompé. Hein. Voilà, le tour est bien fait. Bon, ben Rocco, merci à toi. Bon courage. Merci, merci. Et bonne bourre. Ciao, grazie. Ciao, Rocco. Bye bye. Ah, il est en forme, hein. Il est en pleine forme, ah il bah. Est là, ça se passe bien, c'est à la cool, quoi. Ouais, 5 ans d'arrêt, il a rechargé les batteries, hein. Ah, bah, tu m'étonnes. C'est dommage qu'on captait pas bien, parce que ouais. je lui ai demandé si après 5 ans d'arrêt, c'était parti beaucoup plus vite. Ah, ouais, mais c'est vrai qu'on captait mal, hein, mais ouais, bon, après, c'est ça, c'est LA. Mais c'est ça, c'est Los Angeles, c'est le décalage ouais, horaire. Ça capte le roux, c'est de quoi il parle, il est californien maintenant. Bien sûr. Quand j'ai appelé mon agent, à Los Angeles, ça franchement, toujours. Si ton agent il te laisse ici tout le temps, c'est vraiment de la merde, hein, ton agent. Non, bah si, non, mais on est sur des séries Z là aux États-Unis. Ouais, ouais ça. Roux va jouer un cadavre prochainement. Ouais, bah c'est déjà bien. Sous un drap, donc on le voit pas. C'est le mec qui est dans le truc en plastique. Ou alors directement, c'est à l'enterrement. Lui, il est dans le cercueil et on l'enterre. C'est ça. C'est son rôle. Il sera c'est déjà bien. Bah si t'es payé pour ça oui. Bah ouais faut déjà commencer quelque part. Si t'es payé pour ça c'est très très fort. Tu crois qu'ils pourront écrire le Rue sur la tombe ou pas? The Rue. Ouais bof. Bah faut voir hein. Mais bon on verra. On est en négociation avec l'agent. Avec l'agent ouais. Avec l'agent surtout avec l'agent. Mickaël, le podcast. Et puis on va se faire le jeu des amis maintenant. Jeu des amis avec Benjamin qui est là, 24 ans. Salut Benji. Salut toi. Comment ça va? Bien et toi? Bon, ça va tranquille, ouais. Bon, Benji, 24 ans, jeu des amis. Ouais. On va donc appeler un pote à toi, une copine à toi, je sais pas trop. On l'appelle. Oh, ouais. Barbie, Xavier ou Ludwig. Alors, Barbie direct. Ouais, on va appeler Barbie. Ah bah. Ok, ouais. Oh, on pourrait peut-être appeler Ludwig. Ouais, ou Ludwig. Ludwig est déjà passé dans l'émission. Ouais, non Ludwig est déjà. Ouais. Et toi aussi, t'es déjà passé ce rire là. On va appeler Barbie quand même. Ouais, appelons Barbie. Ludwig, on sait ce que c'est, il ouais. y aura plus de surprise. Mais on peut peut-être l'appeler après juste pour dire bonjour à Ludwig. Ouais, on va voir, si on va voir si on a le temps. Ah ouais, on va voir. Bon, on va voir, oui. Bon, allez, on appelle Barbie. Ouais. Allez, on appelle Barbie. C'est son vrai prénom, non? Non, son prénom, c'est Annabelle. Annabelle. Non. Annabelle, d'accord, ok, très bien. Merci d'avoir précisé. Tex. Par contre, ça décroche pas chez Barbie. Ouais. C'est dommage. Eh oui, c'est dommage. Pauvre Barbie. Bon, bah, c'est mort, on va appeler Ludwig. Hein. Ouais, on va appeler Ludwig autrement, on peut le garder aussi. Le bonjour. Hop là, bonjour, au revoir. Hop, on appelle Ludwig maintenant donc. Ouais. Allez, allez, allez, allez, Ludwig, allez, allez. Oh là là là là là là. Il reste Xavier autrement. Ah bah, il reste que Xavier, hein. Ah, ouais. Il avait 3, on en a fait 2. Bon, allez. Falloir aller vite. Ah oui, vite. Très très vite. Allô. Ah, allô Xavier. Oui. Salut Xavier, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, ça va? Messieurs, dames, on est sur un très gros dossier. Ouais, je te confirme, Dex. Xavier, très bien, il a raccroché. Benjamin, c'est perdu. Ouais. Voilà, voilà, voilà, Benji. Bon, attends, merci Micha. Bravo Micha. Micha. Oh là là là, le baptême du feu, on vient de rater un jeu des amis. Micha, bravo, c'est la première fois, c'est beau. Ah oui, c'est arrivé très rarement. Ouais. Pas grave. Ah. Bon, Benjamin. Ouais. Sinon, on essaie de voir si nous, on te connaît. Ouais, ok, vas-y, pas de calé, vas-y, on va essayer comme ça. Hein. Ça va être compliqué, hein, mais bon, je vais bien essayer de poser des questions. Hein. Allez, vas-y. Ouais. Quelle est la taille du dernier pantalon qu'il a acheté? 40. Non, 38. 38. Ah oui, c'est dommage. T'en laisses Sandro répondre pour la première, ça y est, un truc de meuf. Non, dans quelle matière scolaire est-il le plus nul? Les maths. Les maths. Non, maths. Anglais. Ah non, il doit être bon en maths, lui. Ouais. Quel est son lieu de sortie préféré? Les boîtes de nuit. Non, les halles. Ah, je vais dire les... Quelle ligne de métro, bus, il emprunte le plus souvent? Celui qui va au hall. Donc, c'est la 1 ou la 4? Non, RERD. Oui. Quelle est sa position sexuelle préférée? La levrette? Non, le missionnaire. Moi j'aurais dit la branlette, mais. Bah non. À quel âge a-t-il arrêté de pisser au lit? 5 ans. Non, 10 ans. Ah oui? Ouais, 10 ans, ouais. D'où le. Quelle partie de son corps est la plus poilue? Sa bite. Non, son ventre. Voilà. Quel est son plus grand fantasme? Dans quel lieu? Au hall? Non, l'ascenseur. Voilà, allez, à quel âge a-t-il eu sa première relation sexuelle? Il a quel âge? Il a 24 ans. Oh, 23. 15 ans? Non, 16. On y était presque. Il arrête de pisser à 10 et il baisse déjà à 16. Allez, et la petite dernière là, a-t-il. Attends, c'est quoi? Quel est son dessert préféré, Sandro? La mousse au chocolat. Non, l'île flottante. Allez, 10 mauvaises réponses, ouais. Bravo. Bravo, ouais. On a été fort. Écoute, c'est officiel. On n'a pas fait pire que certains auditeurs hein, qui se connaissent. Hein. Non, on peut pas faire pire, ça, on a fait 10 mauvaises là. Ouais. On a déjà eu. Oui, on a déjà eu 10. 0, ouais. Ah oui, 10 mauvaises réponses en l'occurrence. On peut pas faire pire, oui. C'est un score. On est au top là. Bon, Benjamin, c'est pas grave, tu reviens quand même quand tu veux, hein, d'accord? Ok, pas de soucis. Salut Benjamin, à bientôt. Okay, salut, à plus, ciao. Mickaël, le podcast. On aura Jean Barbera au téléphone. Marrant. Jean Barbera, c'est celui qui était chez Koé déjà et qui était au juste prix la semaine dernière. Je dis, ouais. Et qui a gagné la vitrine. Et qui a sauté en l'air comme un hystérique. Alors, parce qu'il a gagné la vitrine. De quoi? Il y a un problème avec la vitrine. Ouais, mais on en parlera avec lui. Il explique. Ouais. Mais non, ouais, mais même dès le départ, c'est-à-dire que juste le moment de sélection, la gaffe, il s'est barré en courant quand il l'a vu descendre. Non, mais bien sûr. Et c'est clair. Ouais, c'était ouf. Mais c'est un mec qui est fan du juste prix. Oui, voilà. Mais on a un petit extrait si vous voulez. Écoutez. On l'aura dans quelques instants. J'ai brûlé avec la lampe tellement j'ai été excité quand j'ai été sélectionné. L'ampoule là-bas, je me suis brûlé. Ça, c'est pas grave. Je m'excuse. C'est pas grave. Je suis content de jouer. Je suis content de jouer. J'espère que j'ai gagné quelque chose, mais je suis content de jouer. Voilà, donc c'est Jean Barbera et Star en Belgique. Oui, non, mais c'est vrai en plus, ça, c'est tout le monde le connaît là-bas. Ouais. Et donc, bah, on l'aura une émission télé. Il a plus. Il a été arrêté. Oui, Il est parti sur les routes avec Vincent McDoum et Magloire aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. La Folle Route 2, il était avec eux. Donc on l'aura au téléphone tout à l'heure. Voilà. Bon, et puis pour ceux qui ne le sauraient pas encore, donc Super Nanny donc décédée hein, dans la nuit de mardi à mercredi, ouais, c'est ça. Et donc Cathy Sarai, c'était son presque vrai nom. Parce qu'en fait son vrai prénom c'était comment ça s'appelait encore? Kaltoum. Kaltoum, voilà. Ils veulent pas trop en parler. Hein. Non, apparemment non. Donc en fait donc elle avait 47 ans, donc elle est décédée d'un cancer du poumon. Elle a été rapatriée donc en Tunisie dans la journée pour être enterrée aujourd'hui avec sa famille. Donc selon la religion musulmane, donc tout enterrement doit être réalisé dans les plus brefs délais. Un mort avant midi doit être enterré le jour même dans l'après-midi en l'occurrence, et un mort de l'après-midi est enterré donc le lendemain matin. Et donc depuis l'annonce de sa mort, il y a pas mal de témoignages d'affection qui sont tombés, que ce soit sur internet, Facebook, Twitter, etc. Il y a aussi des stars comme Christophe Willem qui avait fait un clip avec elle, la directrice d'M6, Bibiane Godefroy, et puis il y a aussi un groupe de rap qui a tout de suite enregistré un hommage à la plus connue des nounous. Et c'est plutôt bien fait. Alors écoutez, on a fait un petit extrait. On ne savait pas si c'était une vanne ou pas. Ouais, mais au final, bon, il taille pas quoi. Non, c'est un bel hommage, vraiment. Ouais, il taille pas et tout, donc c'est plutôt sympa. Écoutez, on a essayé de récupérer les meilleurs moments pour pas vous passer l'intégralité. Viens là. Si je t'entends une fois, une seule fois, dire un gros mot, tu passeras la journée s'il le faut dans ta chambre. Tu vois ce doigt qui me fait ça? Je ne veux plus le voir. On n'a pas le droit de faire ça. Va t'asseoir, chérie. Ça change. Je viens d'apprendre une terrible nouvelle. Aujourd'hui, Super Nani nous a quittés. Elle est partie rejoindre le ciel. Elle qui était mon idole, elle qui m'a montré le droit chemin. Juste avec l'index quand elle levait la main. Elle était sévère, c'est vrai, mais elle a changé ma vie. Juste avec l'index. C'était mérité, je m'en rends compte aujourd'hui. Action, réaction, et la Nani m'a aiguillé. Et pour ça, je la remercie, personne m'a vu briller. Je t'aime, Nani. Ça dit le refrain, reste bien dans la tête, écoutez. Puis tout petit, t'étais mon idole, t'étais ma tati. Tu me manques et je regrette le jour où je t'ai dit, je t'opine. Nani, je t'admire, tu m'as montré la discipline. Sur mon bras, je t'ai en tatouage. Oui, ce soir, j'ai la rage, tu veux tourner la page, t'as rejoint les nuages. Où j'espère que t'imposeras ton joug avec les anges. Ce morceau t'est dédicacé en guise de louange. Alors après ça reste, hein. Mais petit indice quand même, à un moment il parlait d'un truc avec l'index, c'est tu m'as montré et il dit avec l'index. Oui parce qu'ils veulent pas donner leur nom pour pas se faire de voilà. Pub en fait. Donc on sait déjà qu'ils viennent vers Bordeaux hein. Bah ou Marseille. Non de Marseille. Ah, à Bordeaux on dit pas AV. Bah, toi aussi, toi tu dis AV l'index. Non, c'est à Marseille. Tu viens avec moi. À Lourdes on dit AV Maria. Ouais, ça, c'est ça, ça le rapport. Ça n'a pas le rapport. Donc voilà, donc on sait qu'ils viennent d'en bas dans la France. Hein. Enfin dans le sud en l'occurrence. Hein. Est ou est, je sais pas très bien, mais bon. Donc voilà, c'était le petit hommage qui avait été fait à Super Nani. Bon c'est plutôt sympa. Ouais, il est bien fait. Hein. Franchement, c'est plutôt sympa de leur il part. Il est sur un de nos blogs pas encore, mais Micha va s'en occuper. Voilà, Micha va mettre ça sur mikael.fm très très vite. Et le morceau est bien. Hein. Le morceau d'intégralité ouais, est sympa. Il y a des phases tout pétées, mais. Bah, t'as des phrases effectivement qui sont un peu blaires, mais enfin après c'est un hommage qu'ils ont fait comme ça en speed. Hein. Ouais, ils l'ont fait en speed en plus. Voilà, ils l'ont fait en même super speed, je confirme. Bon, il y a Aurélie qui est là maintenant, 24 ans, de Nanterre. Toujours là, Aurélie? Aurélie? Oui? Ah, très bien. Non, parce qu'à un moment je te parlais, mais il n'y avait plus. Ah, si. Je ne t'entendais pas. Bon, donc Aurélie qui nous avait donné son avis tout à l'heure par rapport à cette grande question que j'ai posée tout à l'heure. C'est un reportage que j'ai vu à la télé où je disais que j'avais vu 78% des filles acceptent la pipe avec plaisir aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. 40% regardent des films porno avec leur mec, 38% aiment la sodomie, 22% utilisent des sextoys. Et donc on voulait savoir si c'était le cas chez vous aussi ou pas, hein, tout peut-être simplement. Peut-être qu'aujourd'hui elle l'avoue plus facilement. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être juste ça. C'est vrai. Oui, ce qui serait vrai. Bien aussi, c'est que 100% des femmes fassent le ménage. ça serait pas mal. Qu'est-ce qui est chiant, c'est incroyable. Non, je suis pas chiant. Non, mais moi je trouve que le roi a raison. Il faut partager les choses et c'est mieux que les femmes fassent le ménage. C'est-à-dire que nous on leur met un coup de bite, elles peuvent bien mettre un coup de balai. Oui, c'est vrai, tout travail mérite rémunération, roux, t'as raison. C'est incroyable. Non, mais oui. Et ça vous dérange. Non, regarde les deux là. Non, ça nous dérange pas. Non, j'ai compris que ça vous dérangeait pas là. Ça aurait dû. C'est ça. Ouais. Bon bref, donc Aurélie, donc toi tu nous avais dit que toi tu sextoy t'utilisais puisque ton mec en avait ramené comme ça un jour par surprise. Ouais. Voilà que la pipe pour toi c'était quelque chose de ouais normal. Bah, de normal, hein, donc ouais. rien de bien grave. Ouais. Et alors sodomie, tu nous as pas répondu en revanche. Moyen. Ah ça moyen. Donc t'as déjà en essayé fait, mais bof. En fait, non sérieux. Ça sert. Bien oui, bah oui. Quand j'ai bu. Ah oui, seulement. Non, mais sérieux, c'est un truc de malade. Ah, seulement quand t'es torché, à ce moment-là, ça va. Proposer à boire assez régulièrement. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux boire un verre? Non, écoute, Non, mais regarde, j'ai déjà servi le verre là. Allez, hop, tiens. Bah, hop. C'est sûr que quand vous êtes bourré, vous êtes non, une farouche. Mais c'est vrai. Hein. Oui, non, mais c'est normal, voilà. Évidemment. D'accord, ok. Ouais. Bon, écoute, pourquoi pas. Hein. Attends, il y a Sophie aussi qui est là maintenant. 25 ans de Reims. Salut Sophie. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ça va bien et vous? Mais écoute, ça va bien et toi, Sophie? Très bien. Tant ça mieux. Va très bien. Combien mesures-tu, Sophie? Ah, bah ça va bien, attends, tiens. Ça y est, c'est reparti. 1m76. Combien pèses-tu? Pardon? Combien pèses-tu? 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Chaque fois, c'est... Ah oui. 40. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il te l'a déjà fait ou quoi? Pardon? Il te l'a déjà fait, le chiffre et les lettres? Non. Donc ah bon, comme t'avais dit. J'écoute la radio, d'accord. De temps en temps. Et non, voilà. Non, parce qu'on te posait la question des fois qu'effectivement il te l'aurait fait, des fois que vous vous seriez vu et. Des fois que j'aurais fait le tour du propriétaire. Voilà, on voulait avoir plus de détails sur les non-performances de Toff. Les non-performances connues. Ouais, j'ai pas encore eu cette occasion. Mais je te reprendrai au standard et comme ça après tu pourras venir expliquer. Non, mais c'est pas une occasion, Sophie, c'est un drame. Hein. C'est une occasion unique qu'il ne faut pas rater, c'est la période des soldes. Ouais, c'est ça. C'est une occasion qu'il faut rater. C'est impératif, hein. C'est impératif. Qu'il fasse gaffe quand même parce que je suis assez exigeante. Pas de problème. Ah bah pas lui. Je répondrai à toutes tes exigences. Déjà, il a du mal à parler, mais surtout lui n'est pas exigeant. Hein. Non. Ah non. Alors ça, c'est Nicolas, on est tranquille. Il est conscient de ce qu'il peut faire. Bon, alors Sophie, donc comment ça se passe par rapport à notre petit sondage là ? Ben moi, je suis 100% sextoy en fait. Ah. Pas de gars. Je suis. Ouais, non, j'ai quand même couché avec des gars. Voilà, j'ai 25 ans, bon ben, j'ai connu des garçons et tout. Mais j'ai vachement été déçue et vive le sextoy, quoi. Mais c'est parce qu'on s'est pas rencontrés, c'est pour ça. Arrête un peu, tof, oh là là. Et c'est toujours non, les mêmes. Mais donc, avec les gars, j'arrive pas à prendre mon pied avec un sextoy, c'est nickel, quoi. Bah oui, mais oui, mais c'est parce que t'es tombé plusieurs fois sur des mecs comme Tof, ceux qui arrivent, qui bourrent et puis qui sont bons. Qui labourent surtout. Il y a beaucoup de frères, dis donc, quand même. Ah, donc tu as déjà essayé souvent alors? Bah quand même. Ah bah je sais pas, moi je demande. Bah en chiffres, ça fait combien? Ouf, j'ai pas compté. Bon, à peu près, c'est plutôt 5, plutôt 20, plutôt 100. Non, pas 100 quand même, non, je sais pas, 15 à peu près. 15 mecs, il y en a pas un qui t'a fait jouir? Non. Ah oui. Non, ah oui. Non, je vais pas dire non plus que je m'ennuie. Bon, tu vas finir lesbienne, toi. C'est quand même un minimum, mais ben peut-être, ouais, parce que bon, ben, j'ai déjà ma petite collection et toute cette chez moi, puis je prends beaucoup plus de plaisir comme ça, quoi. Donc, ça doit être sympa chez toi, dis donc, quand tes parents viennent et tout. Pardon ? Quand tes parents passent en visite chez toi, ça doit être cool. Tu les mets sur la cheminée, genre Non, sur le lit comme les peluches. Non, ils sont cachés quand même. Ah, tu les planques ? Ah oui, ils sont enfin, si t'en as plusieurs, tu les mets où, là ? Mal fermé à clé. À côté des fourchettes et des couteaux. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que je peux trouver des couteaux, ma chérie ? Écoute, là, pas là, juste pas à côté. Là, pas là. Oui, voilà, c'est ça. T'as l'armoire avec les sextoys ? Ah bah à côté. Ah bon, d'accord, ok, très bien. C'est quoi ce gros truc en plastique tout noir ? C'est pour touiller quand je fais des pâtes. Oui, voilà. La journée est mignonne, donc autant les mettre en exposition. Oui, non, mais pourquoi pas. À côté, le petit fouet, tout ça, ouais, tout. T'as des petits canards aussi ou pas ? Tu te fouettes toute seule ? Bah bien sûr. Non, c'est pas possible. Mais il y en a. Non, se punir, ça, elle non, se punit. Voilà. Et bien, je me brûle au briquet. Non, j'ai seul. Pas été sage. C'est ça, ouais, exactement. Bon, ben d'accord, ok, très bien. On en sait un petit peu plus, c'est cool. C'est un point de vue, hein. Mais tout à fait. Restez encore là, les filles. J'aimerais voir la vie d'un mec qu'on mettra au milieu. Entre Sophie et Aurélie. Non, mais non, mais t'es un bourrin, toi, ça va. Ah, ouais, moi, le sextoy, il ne remplace pas le mec, hein. Ah, oui, toi, c'est en plus, toi, c'est en sus. Ah ouais, tu m'étonnes, y a rien qui remplace une bouche ou autre chose. Enfin, tu vois, le sexe et tout. Ah non, moi le t'as été classe, t'as eu une bouche. Oui. Oui, c'est sûr, mais moi j'ai jamais été satisfaite par un mec, donc voilà, je me satisfais à moi toute seule. Bon, bah un mec de temps en temps, c'est bien, oui, c'est bien, forcément. Ouais, ça te rappelle qu'il y a des trucs en chair qui peuvent aussi te pénétrer, quoi. Voilà, exactement, mais c'est pas pareil, quoi, c'est moins bien. D'accord, ok. Bon, mais oui, mais heureusement d'ailleurs, qu'il y en a qui pensent comme ça. Hein. Ouais. Heureusement que tout le monde ne pense pas comme Sophie, parce qu'on serait bien dans la merde. Bah tous les mecs seront au chômage surtout. Bah, ouais, bah on se prend le rien, on fait mal. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. Bon, enfin c'est dommage. Oui c'est con, on est fait pour s'assembler. Voilà c'est ça, ça aurait été dommage, ouais. Mickaël, le podcast. Et puis on reparlera encore hein, de ce sympathique petit sondage sur lequel je suis tombé. Donc hein, l'étude qui dit que 40% des meufs ne sont pas satisfaites par leur mec, mais qu'elles sont de plus en plus ouvertes puisque 78% acceptent la pipe avec plaisir, 40% regardent des films porno avec leur mec et 38% aiment la sodomie, sans oublier les 22% qui utilisent les sextoys, bien entendu. Pedro a déjà certainement utilisé des sextoys à un moment ou à un autre, non je pense. Ouais, mes doigts. C'est pas un sextoy, ça. Non, un vrai truc en plastique, un truc vibrant. Non, j'ai jamais une fait ça. Une poignée de porte. Non. Oui, une poignée de porte. J'ai voulu essayer. Arrêtez pas, tenté. La poignée de porte, c'est le problème. Il est trop petit. J'ai été tenté une fois avec un manche d'aspirateur. Oh. Mais j'ai abandonné l'idée. Vous êtes nombreux à avoir testé. Si vous avez testé à la maison, dites-nous comment ça s'est passé. Le roux a testé déjà l'aspirateur. L'aspirateur, c'est pas le gant de nouilles, toi, plutôt ? Le gant de nouilles. J'ai vu ça dans un film. Ah mais c'est le même. Ouf. Qu'on a dû voir alors. C'est bien le gant de nouilles. Hein. Ouais, mais l'aspirateur pomme aussi. Ouais, l'aspirateur, comment tu fait sais que c'est bien? Non, l'aspirateur j'ai pas fait. C'est poussiéreux. Faut qu'elle soit propre ma caquette. Tu prends un œuf. Un œuf. Un nouvel aspirateur. Un œuf. Ah ouais. Mais bon. Ah ça fait peur. Mais non, ouais, mais tu prends un nouvel aspirateur. Oui, c'est un truc à tester, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je fous avec on va ramener l'aspirateur de la radio. Non, oui, non, d'accord. Non. Ah si. Non, mais non. C'est parfait. Non. Nous essaierons ça. De toute façon, j'ai jamais fait dans la main d'un homme. Si tu me donnais ta main, on peut tester aussi en direct. Non, mais prends celle de toi. Moi, j'ai la mienne. Non, mais il est beaucoup plus proche de toi. Non, vas-y, un homme, Tof. La tienne est plus douce. Ou alors, si tu veux, tu peux la mettre dans la bouteille et puis t'attends qu'elle gonfle pour voir si t'arrives à la ressortir. Malade ou quoi? Pour faire des trucs dégueulasses là. Ça pourrait être bien drôle pourtant. C'est bah dommage. Oui, ça ferait rire toi. Ouais. Bon, allez, comme on est dans les trucs un peu dégueulasses, parlons d'Amy Winehouse qui a encore été condamnée pour agression. Hein. Eh ouais. C'est une vraie racaille, hein, ouais. Amy. Ah bah je te confirme. Et comme Scoop People vous l'annonçait en décembre dernier, donc Amy Winehouse a foutu la merde pendant une représentation théâtrale de Cendrillon. Elle a agressé le gérant du théâtre. Non mais je crois qu'elle a agressé son manager aussi. Oui, ben normal. Hein. Son producteur. Voilà. Dit. Et donc elle devra verser une amende de 213€ au total à sa victime et elle a eu 2 ans de mise à l'épreuve. Bon, évidemment, elle avait consommé 5 vodka et coca avant la représentation. Ouais, c'est vrai. Plus ouais. Tout ce qu'elle s'est mis dans le nez, dans les chiottes, mais ça, on n'est pas voilà. Content. Donc c'était ça le... Et le truc, c'est qu'elle s'est pointée au tribunal, elle était en mini-jupe et elle avait un décolleté genre bien serré quoi. Ouais, mais est-ce qu'elle était à jeun? Bah oui, mais en plus, à jeun, je sais pas, mais maintenant elle peut se mettre un décolleté, elle a refait des seins. Hein. Oui, c'est vrai. Elle a du nouveau matériel, tout ça. Donc, ouais, mais enfin, elle reste dégueulasse, hein. Elle a une sale gueule. Après, oui, non, mais c'est un autre problème, effectivement. Elle a ravagé du visage. C'est comme Théo avec des seins, ça restera. Ça restera. Ça restera comme ça. Quoi. Voilà, c'est ça. En chantier. Bon, du coup, je propose qu'on réécoute Amy Winehouse quand elle était. Je sais plus si elle était prof. Elle était institutrice à la maternelle, ouais. Instit à la maternelle, ouais, écoutez. Après Arnold Schwarzenegger dans Un flic à la maternelle, Fonce des productions présente Amy Winehouse dans Une tox à la maternelle, un film qui va bouleverser les mentalités. Alors les enfants, vous avez fini vos dessins? Je passe voir dans les rangs ce que vous avez fait. Oh, c'est trop mignon! Une pluie de cocaïne qui tombe du ciel. Je te mets un A. Ah, mais non, maîtresse, ça c'est de la neige. Alors je te mets un C. Et puis non, c'est trop nul ton dessin. Je te mets 2 C. Ça fait CC. Voilà. Et toi, Jason, c'est pas mal ce que tu as fait. C'est quoi? C'est un rond. Un rond? Bon. Je te mets un R. Non, un S. Non, un D. Ah, oh, et puis merde, je te mets des trois. LSD. La prochaine fois, tu me feras des lignes. Hein? C'est bien ça, les lignes. J'adore les lignes. Une tox à la maternelle, une épopée sociologique et éducative. Maintenant, vous êtes des grands. Il va falloir apprendre à aller au pot tout seul. Qui sait déjà se servir des toilettes? Moi. Alors, Allison, explique à tes camarades comment on fait. Alors, ben, on enlève le pantalon, la culotte... Oui, jusque-là, c'est bien. Mais la culotte, on peut l'enlever partout. Pas seulement aux toilettes. Et après? Eh ben, après, ben, on s'assoit sur le pot. Ah non, c'est pas tout à fait comme ça qu'on utilise les toilettes. En fait, il faut se tenir les cheveux avec la main gauche et avec la main droite, on se met les doigts dans la bouche. Amy Winehouse, la nouvelle star du grand écran, repérée lors d'un casting sauvage dans un bar de la banlieue de Londres. Alors Amy, comment tu t'en sors avec ta classe? Oh, ça va, je les gère. Je sais pas comment tu fais pour arriver à les faire dormir pendant la sieste. Moi, j'y arrive pas. C'est facile. Tu leur fais boire un grand biberon avant d'aller se coucher et le tour est joué. Mais c'est ce que je fais, mais la Bledina, ça marche pas. Tu leur donnes quelle marque de lait au tien? Jack Daniels. Essaie, tu verras. Amy Winehouse, une tox à la maternelle, bientôt au cinéma. Voilà. Attention, l'image risque d'être un petit peu floue. Oui, bah forcément, évidemment. C'est obligatoire, le côté flou. Bon, sinon, il y a Lolwenn du 49 qui dit « Je trouve ça débile, la chanson de la Sasadomi ». Ça date d'hier. Hein, ah, faudrait la retrouver. Ouais, c'est marrant. Mais surtout que j'avais demandé à Micha qu'il trouve le chanteur. Mais hein, il est dessus là. Enfin, il est sur tous les chéris cocus du jour. Hein, pourtant, il se passe jamais rien. Donc. Oui, ça c'est vrai. Ah ouais, je sais bien. Non, mais il m'a dit ouais, j'ai envoyé un mail au gars, j'attends qu'il me réponde. Ah, et ben très bien. Bon, sinon il y a l'âme sœur sur le fanbook qui dit je déteste faire tout ce que je n'aime pas, mais les choses que j'ai faites alors que je ne les aime pas, je les ai vite oubliées. Ouais, d'accord. Je n'ai rien compris. Tiens, la sasodomie là, on est dans le sujet en plus. Ouais, en plus, ouais. Le problème c'est que le son est dégueu. Ouais. On comprend rien. Ouais. Internet, hein. Ah ouais. Tu me tiras Voilà. Allez, nous n'irons pas plus loin parce que de toute façon après ça. Mais non mais après ça craque, ça braille, c'est dégueulasse. Ah, c'est dommage. Bon, donc c'était là une parodie bien évidemment de notre ami Mozart. Oui, je crois que les gens ont compris. Oui, on ne sait jamais. C'est une parodie. Voilà. Mickaël, le podcast. Bon, Jean Barbera qui est de retour. Ah, Jean. Oui, je suis impatient d'avoir des nouvelles de votre part. Bah oui, bah on est là. Hein. Bon, alors j'ai envoyé un message à Jean-Marc Morandini, mais il n'a pas encore répondu. Donc, au pire, il répond plus tard et on te rappelle plus tard, c'est pas grave. Ah oui, et sinon, en attendant, donc imaginons qu'on n'arrive pas à l'avoir ce soir, c'est pas grave. Oui. Qu'est-ce que tu voulais nous dire en plus encore tout à l'heure là. En plus, je voudrais aussi annoncer que depuis 2002, je rêve de Big Brother, donc je vais encore tenter ma chance pour Secret Story cette année. Donc, le casting a commencé, hein, Jean. Le casting a commencé, donc je passe un message, je sais pas comment on fait. En fait, le problème. Mais tu vas sur le site de Morandini, il donne l'adresse pour s'inscrire. Ouais. Sinon, sur le site de TF1, en fait. Ce sont des sauvages, hein, des sauvages. Alors, pourquoi c'est des sauvages? Mais non, ils font des castings sauvages. Et donc. Mais non, il y a des vrais castings. Tu peux donner ta candidature. Ouais. Bah oui. T'avais pas envie de faire la ferme, Jean? Non, la ferme, ça m'intéresse pas. Hein. Non, ça me stresse, j'aime pas ça. Non. Et puis, ça s'appelle la ferme célébrité quand même. Non, la ferme ne m'intéresse pas du tout, mais par contre, Secret Story est mon grand rêve. Grand rêve. Bah, envoie une vidéo. Mais je vais faire, hein, je prends note de ce que vous dites. Bah, qui ne tente rien à rien. Oui, non, tu veux que je te donne l'adresse? C'est TF1.fr, hein, là-bas. Bah oui, mais il y a TF1.fr, ouais. Mais attends, l'adresse directe. Ça a déjà commencé, les castings, là, ouais. Oui, ça a commencé, là. Ils viennent d'ouvrir la page sur TF1. Ils commencent tôt, hein, janvier. Ah bah, il faut prévoir, il faut être... Il faut préparer, ça se prépare. Bah, exactement, faut qu'on soit sûr, quoi. Bon, donc, Jean, Secret Story, ça va venir. Alors, est-ce que tourner manège un jour, là, pour que tu puisses rencontrer... Non, ça, pas du tout, ça ne m'intéresse pas non plus. Ah bon, pourquoi? Non, bah non. Tu as déjà une fiancée, peut-être? Oh non, malheureusement, rien du tout. C'est une grosse catastrophe. C'est horrible. Année 2009, désastreuse à ce niveau-là. Oui, non, ça va pas du tout. Hein, pas du tout, du Qu'est-ce tout, qui du s'est tout. Passé? Tu t'es fait plaquer? Non, même pas. À mon avis, je vais le dire, vu qu'il y a personne qui m'entend en Belgique. Oui, vas-y. Ni famille, ni personne. Bah non, j'ai tiré la même fille deux fois sur un an, quoi, donc. c'est un peu nul, quoi, rien, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas terrible, genre. Non, mais, et c'est déjà pas mal, hein. Ouais, elle c'était exactement le 17 janvier et le 15 novembre. Voilà. C'est pas une blague, c'est la pure réalité, je vous le jure. Ah oui, Mickaël, tu sais que je dis la vérité. Mais bien sûr, mais évidemment, je sais. Ouais. Non, bah deux fois, c'est pas une blague, alors je suis triste. Quoi. Enfin, triste. Je suis pris dans le bœuf, alors ça va, mais je suis quand même un peu... Là, je suis chaud, en fait. Jean, si on trouve quelqu'un dans le nord de la France, c'est pas loin de la Belgique. Le nord, ça va encore, mais vraiment le nord, hein, parce que c'est les distances, le problème. Ah bah ouais, après, tu dois beaucoup rouler, quoi. Et après, j'ai l'annonce encore à faire une dernière chose importante. Attends, je te donne l'adresse, tu notes pour le casting? Ah oui, pardon, excuse-moi. Hein. Tu notes? Oui. T'as lu l'adresse de Mythique aussi? Non. C'est Secret Story. Oui. Cast. Oui. CAST. Oui. @yahoo.fr. D'accord. Il faut que tu envoies un mail auprès de Sonia. Bah, c'est sur yahoo.fr. Bah, c'est sur le site de Morandini. Le casting de Secret Story 4 est ouvert. Déposez votre candidature auprès de Sonia par email à secretstory@yahoo.fr. C'est dur. Ouais, c'est dur. Bon, je vais essayer ça. Hein. Bah écoute, essaye et puis surtout tiens-nous au courant. Hein. Oui, parce que franchement, ce serait pas mal, quoi. Hein. Enfin, je voudrais tellement que. Enfin, mon rêve, c'est que Secret Story m'ouvre des portes, en fait. C'est ça que je veux. Ouais, mais enfin bon. Déjà, on va voir s'ils vont t'ouvrir la leur. Et oui, c'est ça. Bon, alors, t'as des chances. Dernière chose, peut-être. Allez, vas-y. Je sens que vous êtes pressés. On a tout le temps, t'inquiète pas. Mais non, en fait, j'ai aussi fait une émission sur TF6 qui passe pour le moment. C'est pas vrai. C'est la folle route. La folle route. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Alors, ça s'est bien passé? Mais je voulais vous dire que, en fait, l'émission depuis le fin octobre est multidiffusée. Voilà. Et là, on retrouve les deux derniers épisodes ce dimanche 24 janvier. Je voulais peut-être faire une petite pub. Donc, dimanche 24 janvier, TF6, vers 22h, vous trouvez les deux derniers épisodes. Tu as gardé contact avec Vincent McDoom et Magloire? Monsieur Magloire, je n'entends pas trop. Monsieur McDoom, je l'ai eu pas mal au téléphone, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Magloire? Mais rien, tout va bien. Ah, tout va bien, dis-nous, ça sent qu'il y a un problème. Il n'avait pas dû le supporter, je pense. Ouais, avec Magloire, c'est mal passé? Ah non, tout s'est bien passé. Et t'as fait des avances, tu les as refusées? Oh non, pas du tout, ni l'un ni l'autre. D'accord, bon bah... Ça a franchement bien passé. Bon, est-ce que t'as été bien payé pour cette émission? Bon, je vais pas dire le chiffre, mais enfin bon, ça va. Donne-nous une fourchette. Bon, un couteau. Non mais entre, je sais pas, entre, donne-nous un chiffre entre 0 et 10 quoi. Personne t'entend en Belgique, t'inquiète pas. Allez, oh. En Belgique, personne t'entend, Jean. Bah, moi, on va dire moins que la vitrine de Juste Prix. Donc moins de 15 000 euros. Oui. D'accord, beaucoup, ok. Déjà pas mal. Beaucoup moins. Ah, beaucoup moins. Ah oui, c'est Koé qui produit. Hein. Ouais, genre un tiers ou pas? Ouais, c'est ça, t'as compris quoi. D'accord, ok. Oh, et encore. Et ouais. C'est quoi alors là, le problème avec la vitrine? Oui, parce que c'est ça, on en a ah pas oui, parlé. Ah oui, merde. Ça fait deux heures qu'on est avec lui, on en a pas parlé. Je fasse une pause. Eh ben, on en reparle après. Arrête. Faut que je fasse une pause. Non, arrête. Ah, si, si. Ouais. Si, après le disque. Après je suis pieds et poings liés là. C'est vrai d'accord. Mmh. Oui, après le disque. Je suis pieds et poings liés. Donc, TF6, dimanche 22h, les bon. Deux derniers épisodes. Jean, parce qu'en fait, on t'avait appelé pour la vitrine et je vois qu'on a mais parlé oui. tout sauf la vitrine. Mais c'est-à-dire que oui, j'ai voulu profiter de votre appel pour lancer. Mais t'as raison. À la mer, mais non, mais tu as raison. Bon, on parle de la vitrine après le disque. J'ai l'impression qu'on vient de revenir. Plaisir, on peut revenir sur le contenu. Hein, pas oui, bah j'imagine bien. Bon, reste là, Jean. On va revenir. Bah, c'est bien, ça fait une bonne moyenne. On a depuis 27 minutes dans le standard, on a parlé 12 minutes avec lui. C'est bien. Bah voilà. Mickaël, le podcast. Bon, Jean. Oui, je suis là. Oui, je sais bien. Donc, alors, on reparlait de la vitrine parce que Jean donc a été à Jean Barbera. Jean Barbera, bien sûr, a été au Juste Prix la semaine dernière. Il a gagné. Oui, il a bien gagné. Il a gagné effectivement une vitrine de combien? Mais 14 298 euros. Eh ouais. Ouais. C'est quoi ça, 98? C'est le 9 et Louis. Non, parce qu'il a, c'est la gaffe qui avait fait la vanne en disant, mais c'est quoi 98? C'est quoi 98? Ah, et c'est le 9 et Louis! Il commence à s'énerver. J'ai cru que t'allais lui mettre une droite, hein, genre. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. En fait, quand je dis que c'est le 9 et Louis, je vous explique exactement. Dans ma tête, il se passe que je sais que j'ai trouvé le prix et j'explose de joie, en fait. Oui, bah, on a bien vu. J'arrive pas à y croire que je gagne, en fait. C'est et ça. Je gagne, et alors, donc après, il y a eu un dossier aussi sur le fait que tu veuilles pas la vitrine, tu veux de l'argent à la place. Ah oui, tout à fait. Donc là, effectivement, mon rêve, c'est bien de demander à TF1 si c'est possible d'avoir un chèque de la valeur de la vitrine. Donc voilà. Ça, ils vont dire non. Parce que la vitrine, c'était quoi? Il y avait une chambre. Enfin voilà, ils t'offrent des. Non, mais non, comme ils savent que je j'ai pas de chance avec les chines, on n'a pas mis de chambre. Oui, enfin c'est des canapés, enfin c'est des meubles quoi une en général. Ça y a une salle de bain, une TV et son meuble. Et, voilà, et toi et tu préférais avoir le montant en liquide. Et voilà. Une voiture, hein. Et il y a une voiture sans permis. Sans permis. Bah, le roux, t'achètes ta voiture sans permis. Non, tu me la donnes, je la prends. 12 000 euros la voiture. Ah putain. J'aurai des cadeaux qu'au mois de mars justement. Ah, mois de mars. Alors par contre, Jean, si tu veux, je te rachète la télé, hein. Bah écoute, tout ça est possible, il faut voir un peu. Moi, ce que j'avais l'intention, c'est de faire aller profiter du buzz, tu vois, je veux profiter chaque fois de ce buzz pour vous mettre aux enchères sur internet les cadeaux de Jean Barbera du Juste Prix, quoi. D'accord, ok. Bah t'as raison, il a raison, t'es pas fâché, t'es pas fâché, Mika. Mais non, mais non, t'aurais pu me filater dans les champs. Bah, ouais, c'est pas grave, j'aurais pu. Surtout que si. Oui. On est encore là, ce qui est pas gagné, enfin bon. J'aurais pu faire la pub de tes articles sur eBay. Mais oui, mais comme je n'ai pas encore les descriptions, etc. Non, mais quand tu les auras, Jean, on n'est pas mongolien. Quand je les aurai, tu voilà. Tu le sauras, hein, tu le sauras. Mais voilà, bon, bah très bien. Alors faisons. Laisse-le tranquille un peu, Mike. Non, mais moi je veux. Mais moi je suis tombé amoureux de la voix de la fille parce que je ne sais pas qui est qui, mais il y a une fille dans votre groupe qui m'a l'air. Ah non, elle s'appelle Robert. Oui, c'est Sandro. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, je l'avais vu une fois, Aliette. Bah oui, mais exactement, tu l'avais vu. Ouais. Elle a changé maintenant, elle avait une coupe de cheveux Nutella. Nutella. Elle est plus très belle. Oh, c'est désespoir. Non, bah, écoute, Jean. Oui, je vous bon, écoute. Si tu nous donnes la vitrine, on te donne Sandro. Ha. Moi, je trouve que c'est pas mal comme deal. Hein, je pense que. À réfléchir, oui. Elle est célibataire en plus. Ah oui, oh là là. Surtout que. Ah, en plus, il peut te donner une voiture. Oui, coup, tu parles oui. La tienne, je te rappelle. C'est vrai. Une voiture sans permis. Oui. Parfois, c'est mieux de marcher parce que ça permet d'évacuer voilà, certaines tous choses. Les deux, Sandro, le long d'une plage. En Belgique, super. À Dunkerque. Oui, en Belgique. Ah oui, en Belgique, ouais. Bon, donc si vous êtes intéressés, les filles, par Jean, si vous êtes dans le nord de la France ou voire même. Je suis beau, gosse. Je suis plutôt beau. Ah bah oui. Ou si vous êtes frontalier, vous êtes en Belgique, mais vous arrivez quand même à nous capter. Oui, tout à fait. Eh ben, 6-11-12, débutez votre message par NR. Puis vous mettez Jean avec votre numéro de téléphone, les filles, ou alors pour ceux qui n'arrivent pas à envoyer de SMS, mikl@energie.com, vous me faites un mail, je transférerai directement à Jean, d'accord? Voilà, juste un petit coup là, quand Jean a gagné. Bon, hey, Jean, juste un petit coup, on va écouter le moment où t'as gagné. Ah, ça serait magnifique. Si on a le temps. 30 000 c'est moins. 25 000, c'est moins. 20 000, c'est moins. 15 000, c'est moins. 10 000, c'est plus. 12 000, c'est plus. 13 000, c'est plus. 14 000, c'est plus. 14 500, c'est moins. 14 400, c'est moins. 14 300, c'est moins. 14 200, c'est plus. 14 250, c'est plus. 14 270, c'est plus. 14 280, c'est plus. 14 290, c'est plus. 14 295, c'est plus. 14 299, c'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Et là il faut le voir courir hein. En plus il dit pas c'est le 9 et le 8, il dit c'est le 9 et le 8. Et là t'as la gaffe qui dit lâchez Fanny. Parce que Fanny c'est une des meufs qui... Rendez-nous Fanny, ouais c'est ça. C'est une gaffette. C'était une gaffette, ouais. Bon, Jean, okay. On te tient au courant le plus vite possible si on a quelqu'un d'accord. pour toi, d'accord? Mais d'accord, pour mon randini, dossier chi, oui, dossier, je si j'arrive à la voir, je te rappelle, d'accord? Ça va. Salut Jean, bon week-end. Salut Jean. À bientôt Jean. Mickaël, le podcast. Et on a Romuald maintenant. J'avais demandé des avis masculins. Nous avons Romuald qui est là, 25 ans, de Chalon-sur-Saône. Salut Romu. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien, ouais. Bon alors, Romu, donc j'étais tombé sur une étude tout à l'heure en début d'émission, on en avait parlé, qui dit que 40% des meufs ne sont pas satisfaites par leur mec, mais qu'elles sont de plus en plus ouvertes, puisque 78% acceptent la pipe avec plaisir, 40% regardent des films porno avec leur mec, 38% aiment la sodomie et 22% utilisent des sextoys. Voilà. Ah mais alors, là, je suis en plein dedans. Ah, en plein dedans. Alors on a eu deux filles tout à l'heure, une qui aimait bien un petit peu tout ça, mais elle aimait bien aussi la chaleur et la sensation de la chair. Et puis surtout, et une autre qui elle par contre était à fond sur le sextoy parce que les mecs n'ont fait que la décevoir depuis des années et des années. La pauvre, ça doit être dur. Ouais bah oui. Et donc Romuald, donc toi comment ça se passe? Ben moi avec mon ex il y a à peu près deux ans et demi. Ouais. Et le truc qu'il y a c'est qu'au début tout se passait bien et on s'est mis un peu au sextoy. Donc on s'amusait un petit peu tous les deux avec. Et au fur et à mesure, ça me servait beaucoup. Quand j'arrivais des fois, il y avait sextoys à côté du lit. Et moi, derrière, je voulais la toucher, elle voulait rien faire. Et ouais, t'avais l'impression d'être trompé par un bout de plastique, quoi. Ouais, voilà. Et dans le truc là, c'est que moi après, elle voulait plus faire amour avec moi, rien du tout. C'est ça le problème, hein. C'est ça le problème. C'est même pareil pour des mecs, on en avait parlé à l'époque. C'est des mecs qui sont avec leur meuf et ils se font parfois un kiff et regarder un film de cul. Bon bref, soit. Et au final, ils prenaient plus leur kiff à mater un film de cul et à se branler parce que ça allait plus vite, parce qu'ils s'occupaient que d'eux, ils devaient pas, entre guillemets, perdre leur temps à essayer de faire jouer à leur copine, tout ça, tu vois. Et ils faisaient comme ils voulaient. S'ils avaient envie de pour être poli, cracher vite fait, bah, ils faisaient vite fait. Et puis, s'ils avaient envie que ça dure, ça dure. Et donc, du coup, bah, t'avais leur meuf qui pensait à un moment que le mec allait tromper, quoi. En fait, non. C'était juste qu'ils avaient un film de cul et donc ils préféraient ça. Bah, c'est pareil pour ta meuf en fait. Ouais, bah après au bout d'un an, ça faisait quand même un an qu'on était ensemble. Et derrière, je me suis fait quand même passer devant par un god quoi. Donc ça fait un peu mal. Bon, oui, c'est ça, tu t'es fait tromper par un god. Voilà, c'est énorme, ça arrive pas souvent. Je préfère à la limite que. Oh là là, tu étais parti l'embrouiller et tout ou pas? Ben au bout d'un moment, elle voulait plus que la touche, on faisait plus rien. Non mais le god, est-ce que t'es parti l'embrouiller? Ouais, ils se sont tapés. Ouais, il a enlevé des piles. Non, oui, on s'est embrouillé, j'ai en discuté plusieurs fois avec elle. Elle me fait non, c'est juste un petit plaisir comme ça, ça me fait pas, sauf que moi je pouvais plus la toucher, je pouvais plus faire de caresses, rien du tout, et donc au bout d'un moment, moi j'ai craqué. Oui, bah t'as raison, ouais, mais à un moment... T'aurais dû prendre le god entre quatre yeux et avoir une bonne discussion avec lui. Entre quatre couilles. Bah, ouais, mais j'ai essayé, il a pas voulu me répondre, donc... Il y a pas de couilles sur les gods, hein. Ouais. Non. Il n'y a pas des modèles avec, il me semble qu'il y en avait. Oh, wow, peut-être, tu me diras. Ça doit exister, je pense, à mon avis. Bah oui, bah bien sûr, évidemment. Donc voilà, quoi. Donc ça fait un peu chier, quoi. C'est... Ouais, donc tu l'as embrouillé, d'accord. Bah, jette-les à la poubelle dans son dos. Non, mais et comment ça s'est terminé, si ça s'est terminé on n'est plus ensemble. Donc, ah oui, jusque-là. Ouais. Ok, c'est un peu. Alors, est-ce que moi, j'ai pas assumé peut-être au lit? C'est peut-être ça aussi. Hein. Ah ouais. Donc, je sais pas. Donc, il y a peut-être aussi de ça. Et puis voilà. Ouais, là, elle a pris les enfants, elle s'est barrée avec le god quoi. Ouais voilà, et en plus à cette époque j'avais en plus un peu de poids, donc ça a dû y faire un petit peu. Ouais. J'avais un peu de poids, j'avais des potes à moi qui se moquaient un peu de moi sur mon aspect physique. Mmh. Parce que en fait j'avais à l'époque je pesais quand même 120-130 kilos. D'accord. Et j'avais j'ai eu mal à trouver le surnom. J'avais la coupe un peu en brosse, donc je ressemblais à Bernard Minet la tête et le cours de la boule. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Donc bon, aujourd'hui, vous êtes plus ensemble à cause de ça. Putain, c'est violent quand même. Hein. Oh, c'est peut-être pas à cause de ça. Hein. Non, c'est vrai. Il n'y a pas que ça, mais bon, après mon ménage oublié, je suis passé à autre chose. Hein. J'ai maigri, enfin voilà, quoi. J'ai tout laissé tomber de rentre. D'accord. Je mets les choses au clair, pas de gode. D'accord, oui, t'as raison, cela dit. Attends, pas de gode, hein. Parce qu'il y a Alice qui est là également. Salut Alice. Coupe ta radio, Alice. Oui. Ça va ? Oui, ça va. Bon, très bien. Alice, t'appelles du 54 ? Oui. Et tu voulais réagir par rapport à ce sondage également au niveau des godes, de la sodomie, de la fellation, et qu'est-ce que j'avais oublié de regarder les films porno avec leur mec. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, moi, personnellement, avec mon mari, bon, nous, personnellement, ça nous choque en rien, parce que, bon, nous, comme on a précisé tout à l'heure, on est libertin. D'accord. Donc nous, on utilise aussi bien des godes et compagnie si on rencontre d'autres couples. D'accord. Ouais, mais donc, ça c'est bien aussi quand ton mec est pas très performant, tu vas en chercher un autre. Non, pas spécialement, parce que généralement on est toujours tous les deux ensemble, on fait tout ensemble. Donc quand on voit quand on rencontre des couples, bon, mutuellement on échange des partenaires, mais bon, on a déjà fait des trios, donc c'est avec mon mari puis un autre mec, parce que bon, des trios femmes. Malheureusement pour nous, des femmes seules, on n'en trouve pas beaucoup. Ah, on ne trouve pas des femmes seules facilement ? Non. Par contre, des hommes seuls désespérés, ça, il y en a plein. Ah bah oui. Voilà. Le numéro de mon ex, si tu veux, elle voudra. Ah, écoute, avec plaisir. Non, des hommes seuls, c'est vrai qu'on en a l'appel. Mais des femmes seules, personnellement, nous, ça fait une paire d'années qu'on est dans le libertinage. On n'a encore pas eu la chance d'en trouver une. D'accord. Parce que bon, des femmes seules, soit il y a beaucoup de mythomanes, ou alors, soit c'est des mecs qui se font passer pour des meufs, voilà. Et puis après c'est le drame. Ou alors c'est des femmes de 70, parce que bon, il y a des gens de 70, 80 ans qui pratiquent. Hein. Oh, mon Dieu, quelle horreur. 80 piges. on est sur des sites, on a déjà vu des personnes de fortes âges. Bon, c'est leur façon d'être. Hein. Ah putain, 80 ans, je suis choqué. 80 là. Ans, ça doit juste... Enfin, ça me dégoûte, rien qu'à l'idée. Ah ouais, putain, même 70 en fait au final, hein, mais. T'imagines, c'est, ça doit changer tout là. Ça doit tomber de partout, c'est. Ah ouais, non. Putain. Petit pain. Ah oui, ah ouais, non, tout tombe, hein, je te confirme. Waouh, putain. Et donc, alors, et comment ça se passe avec ton mec ? Qui c'est qui a eu l'idée de faire ça ? Mon mec. Ah d'accord. Toi au début, t'étais entre guillemets donc normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que bon, mon homme, son fantasme, c'était toujours faire l'amour avec deux femmes. Oui, bah oui. Et il m'en parlait tout le temps. Bon, moi, j'étais très réticente. Mmh. Putain, c'est quand même marrant que tu sois réticente à faire juste un truc avec un truc à trois et qu'au final, tu sais, tu fasses des échanges et des trucs. Voilà. Tu sais, un peu comme les cartes de foot, là, tu sais, tu les échanges. Voilà. T'as pas celui-là, bah attends, je te le prête, moi, je l'endouille. T'as pas un 90C, parce que moi, j'ai qu'un petit 85B. Au début, j'étais très, très réticente, mais bon, par la suite, tout doucement, bon, il a commencé à m'emmener donc dans les clubs. Ouais. Des lieux spéciales. Et puis bon, au début, la première fois que j'y suis allée, j'étais pas chaude. Mmh. Et puis bon, tout doucement, on a commencé à discuter et tout, puis on est parti dedans. Chose qui nous a apporté beaucoup de choses, parce que bon, ça met énormément de piment dans notre vie. D'accord. Parce que bon, je sais qu'au niveau sexuel, après avoir rencontré des couples, quand on se retrouve que tous les deux, il y a beaucoup de choses qui se passent en temps général, quoi. Oui. Ça met énormément de piment et ça nous a aidés tous les deux, parce qu'au début, notre relation, on était énormément jaloux mutuellement. Ah oui, d'accord. Mais c'est ce que tu devrais faire, toi, au lieu de tromper toutes tes meufs. Pourquoi t'en prends pas une avec qui tu vas faire ton bordel, là ? Mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui n'est pas pareil ? Ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi ? Mais parce que quand tu vas dans un truc comme ça, tu vas avec la personne, il n'y a pas de séduction. C'est-à-dire que c'est juste, tu baises. Oui. Tu ne pratiques pas la séduction, toi. C'est nouveau, ça. Si, il y a un minimum. Mais il y a un minimum de quoi ? Bah, minimum. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre ? Quel est le minimum ? C'est ça la question alors. Bah vite fait, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'envie et de voilà de te dire que peut-être tu n'y arriveras pas. Alors que tu vas dans un truc comme ça, tu sais que tu vas pour ça. D'accord. Ouais, mais la meuf elle peut refuser aussi, hein. C'est pas parce que tu vas dans un truc comme ça que la meuf elle est d'office à quatre pattes et elle t'attend. Hein. Bah, écoute, vas-y et tu verras qu'elle est vite à quatre pattes quand même. Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi au début, je me faisais un fixe sur les lieux de rencontre. Ouais. Pour moi, j'avais une idée bien précise. Et en fin de compte, non, c'est tout le contraire. Parce que c'est des endroits où les personnes sont très respectueuses. On fait simplement un signe de la tête en disant non à la personne, elle part. D'accord. Et quand même, au niveau du feeling, au niveau... Bon, il y a certaines personnes qui regardent au niveau physique, ce qui est un peu logique. Mmh. Mais bon, moi, je préfère aller en club qu'aller dans une simple discothèque. D'accord. Bon après ça c'est une question de goût. Après t'as déjà testé probablement et forcément bah tu peux te dire je préfère l'un ou l'autre. Moi perso je pense que j'aime aucun des deux, hein, quoi qu'il arrive, ni des clubs ni des boîtes. Mais après voilà, c'est une question de goût. Tant que vous trouvez votre kiff à vous deux, bon bah voilà, continuez, sortez couverts et puis voilà, amusez-vous bien. Ah oui, c'est le principal. Bah bien sûr. Bah merci Romu et Alice d'être passés. Je peux pas envoyer un petit bonjour? Bah vas-y Romu. Et j'envoie un petit bonjour à la 4ème techno, à Koubiak, ouais, et Koubiak. Au Dendong. D'accord, bah le message est passé Romu. Tu voulais dire un truc Alice? Non, il y a juste Grégory qui voulait vous faire un petit coucou, donc je vais vous le passer. Eh bah écoute, passe le loup Grégory, hein. Allô Greg. Allô Greg. Salut Mickaël. Comment salut, ça va? Ça va. Bon, tu voulais nous dire un truc? Bah je voulais vous dire déjà votre émission elle est super. Bah écoute, c'est gentil. On écoute le plus souvent possible, parce que là, on habite un peu dans un village paumé. Bah, profitez bien. Ça capte pas. C'est ça. Non, on est obligé d'écouter sur le radio réveil dans la chambre, on a du mal. Ah, ok, l'angoisse, le radio réveil, avec la voix que je dois avoir là-dedans. Il y a Internet aussi. Hein. Oui, il y a Internet aussi, accessoirement, hein, si vous voulez. Ouais, mais on a du mal à recevoir un méga, donc... Ah oui, si vous n'avez pas le méga, évidemment, c'est un peu compliqué, c'est clair. Ouais. Bah, merci beaucoup, Greg. Je peux passer une petite dédicace. Allez, vas-y. Bah alors, Steven qui doit écouter derrière, Geoffrey, François dans sa voiture, et Gilles et Gaël. D'accord, bah le message est passé. Salut à toi, Greg, et embrasse Alice. Ciao. Salut, bonne soirée, continuez comme ça. Merci, c'est gentil. Ciao. Bye, vous deux. Mickaël, le podcast. Et on va passer immédiatement au mag du jour. Bienvenue dans ce mag du jour, un tour d'horizon de l'actualité condensé, revient notre source. Et on démarre avec ce premier titre, les élections régionales vont avoir lieu. Et du coup, bah, y a pas mal de candidats comme Sanseverino, le chanteur qui se présente, mais il y a aussi des vrais hommes et femmes politiques qui se présentent comme... Par exemple, Chantal Jouanneau, tête de liste UMP à Paris. Ouais, elle, on la connaissait pas il y a 3 semaines et maintenant tu vois sa gueule partout. Eh ben, ça va continuer, hein, puisque dans son programme, Chantal Jouanneau s'engage à automatiser la ligne 14 du métro parisien. Ouais, elle est déjà automatique, la ligne 14. Hein. Voilà, moi, je vais me présenter aussi. Hein, je propose de créer des couloirs de bus, de mettre des vélos en libre-service et je vais créer un stade gigantesque de 80 000 places à Saint-Denis. Ouais, mais bon, faut voir le côté positif. Au moins, elle va tenir ses promesses. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, on reste dans la politique. Et on part au Front National. Oui, le parti de Jean-Marie Le Pen est au bord de la faillite, hein. À cause de ses mauvais résultats, le FN va perdre son financement public, soit près de 2 millions d'euros. Ah merde, il est pas dans la merde là pour les élections du coup. Bah il faut qu'il jette un œil sur sa compta. Hein. Oui, de toute façon il pourra pas en jeter deux. Hein. Non, sûr, hein. Ouais, ou alors il va devoir magouiller. Mais bon, j'imagine mal une caisse noire au FN. sauf si blanchit de l'argent. Ouais, bref, donc après 38 ans d'existence, le FN pourrait fermer ses portes. Il n'aura donc été qu'un détail de l'histoire. Et enfin, dernière info, donc, nouveau cas de séquestration de patrons près de Lyon. Les boss d'une société sont retenus en otage suite à un différend sur le montant d'une indemnité. Putain, c'est ouf ça arrive de plus en plus souvent. Bah oui, c'est le nouveau moyen de pression en fait, au lieu de la grève ou de la manifestation. C'est pratique quand même, enfin bon. Tiens d'ailleurs, il y avait des grèves encore aujourd'hui, hein. Ouais, c'était dans la fonction publique. Ouais. Oui, ils feront jamais de séquestration, pardon. Bah pourquoi pas? Bah à la poste, s'ils prennent le boss en otage, ils sont capables de demander d'être payés pour les heures sup. Hein. C'est pas faux. Bon, on passe au cours du jour et c'est Roux qui nous l'a trouvé. Ouais, c'est encore une fois des Suédois. Ah oui. Et là, c'est du lourd. En fait, c'est un article qui est paru dans le journal Smålandsposten. Ah oui, c'est pas mal. Smålandsposten. Mm-hmm. Et voilà ce que nous raconte une des victimes de l'événement dont je vous parle. Alors. Tout d'un coup, on a entendu un bruit énorme. On aurait dit un tremblement de terre. Ouais. D'accord. Sauf que c'était pas du tout un tremblement de terre. En fait, un étage d'un bâtiment, disons, s'est écroulé alors qu'une vingtaine de personnes s'y trouvaient. Ah oui, violent. Jusqu'à là, vous me direz, il n'y a pas trop de cons. Ouais. Et je vous ai juste pas encore dit que l'étage qui s'est écroulé était occupé par... Ah. Weight Watcher, les spécialistes du régime. En fait, les 20 personnes étaient des clients qui étaient venus se peser. Oh putain, bon, j'avoue, faut quand même être con pour faire venir des gens en surpoids régulièrement dans un étage. Enfin bon. Bon, c'est sûr que ça allait craquer quoi qu'il arrive à un moment ou à l'autre. Ben oui. Si tu mettais tellement de monde. Tellement de gros. Non mais tu sais, après c'est pas prévu, c'est pas méchant, mais tu sais, c'est pas prévu, pas pour, prévu quoi, pour ça. Bon, merci Roux pour ce con du jour. On passe maintenant au sport. Football, Loïc Rémy, l'attaquant de l'équipe de Nice, veut se barrer à cause des supporters. Alors, en même temps, à Nice, à part des vieilles riches, je vois pas ce qu'il y avait en tribune. Hein. Bah détrompe-toi, hein, les supporters niçois sont très très chauds. Et ils ont été jusqu'à balancer des gros mollards sur Loïc Rémy. Ouais, en fait, les supporters, ils trouvent qu'il mouillait pas assez le maillot, alors ils l'ont fait eux-mêmes. Oh. Bon, bah du coup, Rémy veut s'en aller. Hein. Ouais, il a dit, je me casse, j'aurais craché. Bon, et puis on passe au tennis où Gaël Monfils cartonne à l'Open d'Australie. Ouais, vous avez vu les images? putain, il est devenu mais sur balèze, un truc de ouf. Il porte des sacs de 20 kilos sur le dos, hein, dans des escaliers, et puis il fait des pompes, hein, du coup bah il souffre de l'épaule. Ouais, mais bon, le résultat c'est quand même super impressionnant, hein, c'est-à-dire qu'il a des bras, on dirait mes cuisses. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr. Ouais. Bon bref, il affrontera demain en 16e de finale un américain, John Isner, qui lui mesure près de 2m06. Mais c'est quoi le délire en fait? Ils ont changé les règles là, dans le tennis? Il faut taper sur le voisin avec sa raquette? C'est ça un petit peu. Hein. Bientôt Roland Garros, ce sera un tournoi de catch. Vous allez voir, ça va être cool. Bon, ce mag du jour touche à sa fin. Avant ça, on va jouer avec le petit quiz des citations, hein, un petit peu comme tous les soirs. Alors, à votre avis, qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Jacques. Qui l'a dit? Qui a dit? Alors, attendez, je l'ai. Qui attendez. A dit? Petite erreur, hein, putain, comme si on avait le temps. Qui a dit? Voilà. Allez, c'est Micha qui t'applaudit. Micha qui a des revendications. Il m'avait pas foulé la feuille exprès. J'ai vu tout à l'heure, il avait pris une feuille. Chien, va. Ah, il a fait ça exprès. Exactement, tout ça parce qu'il rate les GAV d'habitude. Bon, allez, on y va. Donc, à votre avis, puisque nous terminons ce mag du jour, qui a dit? Oui. Ah, suspense. Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? T'as pas le mail. Putain, voilà. Qui a dit la burqa ça fait un peu Belphégor, ça fait peur aux gens. Jean-François Copé? Non. J'aurais dit ça aussi. Fadela Amara? Non. Bah je sais pas, donne un indice parce que là. Si en plus elle parle en verlan et mettre la burqa à l'envers, là c'est pire. Attends. Si en plus... Nadine Morano, on n'a pas le temps. Deuxième, qui a dit Haïti, c'était une période de ma vie absolument magique, vivre là-bas a changé ma life. J'arrête les taux. Bonne réponse. Qui a dit j'espère que mon double au musée Grévin sera plus beau que moi avec 5 kilos de moins, plus musclé et moins de cernes. Michel Obama? Non. Bah Barack Obama? Non. Ah, au musée Grévin? Oui. Vite. Sarkozy? Non, il y était déjà. L'indice. Relax, t'es qui dit Mika, bonne réponse. Parfait, hop, c'était terminé. C'est bien comme ça, on l'enchaîne. Hein. C'était donc le mag du jour, un autre mag du jour, un autre jour. Mickaël, le podcast. Et puis Fabrice qui est là maintenant, Fabrice 21 ans. Salut Fabrice. Salut Mika, salut toute l'équipe. Comment salut. Ça va? Ça va bien et vous? Bah oui, ça va bien, oui. Corentin qui dit quand est-ce que la cam va être réparée? Oh, bah c'est pas de mal la veille. Bon, Fabrice, nous allons faire le GAV. Ouais. Très bien, on va appeler qui pour faire le GAV? Alors, on va appeler ma copine. D'accord. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Laura, qui a 20 ans. Mmh. Et donc, je t'explique un peu mon petit scénario que j'ai pensé. Il y a quelques temps, c'était Nouvel An. D'accord. Je suis proche de la frontière allemande, luxembourgeoise et Belgique. D'accord. Et les pétards en Allemagne sont réputés pour être pas chers. Ouais. Mais interdits en France. Ok. Qu'est-ce que t'appelles les pétards? Les pétards qui font pan. Ouais, d'accord, donc les pistolets, ouais. Non, les pétards, non, les bêtes trucs. Ah, les pétards, quoi. Oui, pour la fête, quoi, tu sais, pour Nouvel An, machin. Oui, c'est, d'accord. Voilà. Les pétards allemands sont interdits en France. D'accord. En même temps qu'on a été chercher des pétards, on a pris des cigarettes avec ma copine pour des personnes qu'elle connaît. D'accord. Et donc, en fin de compte, j'avais pensé dire à ma copine comme quoi ces derniers temps, je me suis fait choper. D'accord. Et donc, on va lui faire porter le chapeau. Bah, bien sûr. Bon, bah, très bien, on y va, on l'appelle. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Au plus vite, elle s'énerve, et au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec le pack Blu-ray. Ouais, allez, on y va. Allô? Allô, mon cœur? Attends. Pourquoi tu m'as plus reconnu? Je t'appelle pas de mon téléphone, là. J'ai un petit souci. Non, mais réponds-moi à ma question. Pourquoi tu m'appelles en inconnu maintenant? J'ai un petit souci. Tu te souviens, on avait été chercher des pétards en Allemagne. Attends deux minutes. Merci de m'avoir quand même réveillé. J'ai oublié de te dire. Ouais, mais là, il y a plus grave, quoi. Tu sais, on avait été chercher des pétards en Allemagne. Et des cigarettes pour tes potes. Normal, ouais. Et j'ai un petit souci, là. C'est que je me suis fait choper par les flics, aujourd'hui. Tu plaisantes? Non, je plaisante pas, je me suis chauffé par les flics et là je suis en garde à vue, quoi. J'aurais besoin de ton aide, il faudrait que tu viennes me chercher ou... Il manquait. Mais comment, juste à cause d'un pétard, ils viennent de t'arrêter les stars ou quoi? Je sais pas, c'est eux, ils m'ont dit, ça, voilà... C'est un nouvel mode du sarco encore, ça? C'est rien, mais ils m'ont arrêté et puis voilà, quoi, j'y peux rien, moi là je suis au commissariat et puis voilà, quoi. C'est quoi la vanne? C'est pas une vanne, voilà. Vous avez bientôt terminé au téléphone, monsieur? Bah, elle veut pas me croire, je sais pas comment faire. C'est qui le blieur derrière toi? Vous appelez qui en fait? Vous appelez vos parents? Non, c'est, j'appelle ma copine là, et puis voilà quoi. Bon, elle est majeure, elle peut venir vous chercher ou pas? Ouais, ouais, elle est majeure, ouais, j'essaie de voir si elle, veut venir, si elle peut venir me chercher, mais elle a bon, peur d'être d'accord quoi. Bon, dépêchez-vous, monsieur, on n'a pas la nuit, hein. D'accord, ok. Ouais, chérie, s'il te plaît, viens me chercher qui, là. C'est le ch'tard, mais c'est qui le ch'tard là? C'est le flic qui est derrière, il veut absolument. T'as peur d'un poulet ou quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je me suis chopé et puis voilà, je peux rien y faire moi. Putain, mais a... tu sais pas les tabasser, c'est bon de poulet, c'est que des poulets à manger, vas-y. Bon, mais je peux rien y faire. Et voilà quoi, viens. Un peu de mal, on peut attaquer elle. Pas ça, le char, franchement, pas ça, le char, va. Voilà, monsieur, je vais vous parler. C'est moi. Allô? Ouais, salut le poulet, ça va le poulet? Vous avez un problème, mademoiselle, vous savez pas qui vous parlez ou quoi? Je fais pas peur des poulets, mon grand. Comment vous vous appelez, votre prénom? Mon prénom, elle est en merde. Non, mais vous avez... mais vous savez qu'on va venir vous chercher, mademoiselle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Laura. Laura? Quoi? Vous avez un problème mental? J'ai pas un problème mental, espèce de con. Si tu veux m'arrêter, vas-y, viens, je suis plein de chemin, je suis plein de drogue chez moi, vas-y, viens. Ah, bah en plus, vous avouez, très bien, je note. Bah, notez, vas-y, de la beuh, je la... Ah, vas-y. Avouer, avoir, de la... Qu'est-ce que c'est quoi, de la beuh? Mais j'ai la beuh. C'est la drogue, c'est de bâtard. Ah, de la drogue, très bien. Avouer avoir de la drogue chez elle. Outrage à agent. Très bien. Vous allez prendre cher. Hein. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, excusez-moi, je vous passe mon collègue spécialiste dans le dans la, la répression des fraudes, de la drogue et de tout ce qui va avec. Un petit instant. Wow. Roger. Ouais, ouais. On a du gros poisson là. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est de la drogue, c'est, ah. Du, c'est de la beuh, tu sais ce que c'est toi ou pas? Ouais, ouais, ouais, je sais ce que c'est. Ah bon, bah je te la passe. Allô? Quoi, espèce de gros béat, t'as jamais fumé de la drogue ou quoi? Madame, je vous prie de vous calmer un petit peu là, hein. Je vais pas me calmer un petit peu, vous lâchez mon gars et tout de suite, avant que je vienne, je monte chez vous, je vous bute. Madame, je pense qu'il va falloir un petit peu calmer vos ardeurs, hein. Je vous trouve et un petit peu extraverti envers les forces de l'ordre. J'ai pas peur de la force de l'ordre, de toute façon, vous pouvez mettre une amende ou ce que vous voulez. Ah, ça s'appelle un outrage à agent, madame. Mais je connais pas un ch'tard, je connais pas un ch'tard où vous êtes. Vous avez des boutons sur la face, c'est ça? Hein? Vous avez des boutons sur la face? Non, j'ai pas de boutons sur la face, c'est toi qui as des boutons sur la face. Ah bon? Ah, parce que je pensais que les ch'tards, moi, c'était des boutons, hein, madame. C'est vraiment un blafard. Un blafard, oui. Puis-je avoir une petite explication? C'est à dire, au moins, c'est de bâtard de mes couilles. Non, je ne sais pas, madame, mais vous allez vous calmer. Alors expliquez-moi ce que ça veut dire. Roger, Roger. Roger. Ta gueule, c'est un manga et tout de suite avant que je m'énerve. Je crois que la personne que t'as au téléphone. Alors ouais, elle en a pris un peu, ouais. Ouais, non, non, mais je crois surtout faut envoyer quelqu'un à l'asile là, parce que. Ah, tu crois qu'il faut l'emmener à Sainte-Anne? Ah ouais, non, ça fait loin Sainte-Anne, mais je crois qu'elle est un peu attaquée. Et pas de bureau, vous allez sortir mon gars avant que je m'énerve. Parce qu'en plus, elle menace la petite. Là. Ouais, elle menace, ouais, ouais, elle est chaude. Tu veux lui parler, là, pour voir? Hein, pour constater l'outrage? Ouais, non, je parle pas au bouffon. Bon, bon, le chef, il veut pas vous parler. Mais bon. J'en ai rien à foutre, votre chef, de votre cul, va aller vous faire baiser par la nana, va. Madame, s'il vous plaît, un petit peu de calme. Bon, mademoiselle, mademoiselle, ici l'adjudant. Allô? Ouais. Bon, ici l'adjudant, excusez-vous. Je m'excuse, adjudant. Très bien, parfait, je vous rappelle dans 5 minutes, le temps qu'on réfléchisse pour savoir lequel de nous va venir vous chercher. A tout à l'heure. Au revoir. Hop là, voilà. Eh, mais Fabrice, c'est une tarée ta meuf. Ouais, bah ça arrive de temps en temps. Quand non, comme elle ça, elle a un problème psychologique. Ouais, non, mais elle est attaquée, franchement. À mon avis, elle a en rage contre vous parce que vous m'avez soi-disant chopé et puis là. Non, mais attends, mais. C'est ça qui est en faute, mon pote. Non, mais attends, mais même si. Même, enfin, c'est surréaliste. Mais elle agit de la tourette. Ouais, attends, mais. Elle a le syndrome de Tourette, c'est pas possible. Elle est c'est une malade. Bon, on la rappelle dans un instant, Fabrice, reste là. Michael, le podcast. Fabrice, on rappelle ouais. On rappelle ta meuf là, l'excitée. Depuis tout à l'heure, elle arrête pas de m'appeler, elle m'envoie des messages, mais. Non, mais elle a un problème. Donc déjà, tu l'appelles, tu dis voilà, j'ai un problème. Déjà, merci de me réveiller. Non, mais elle a ouais. Un grain, elle. Non, mais elle a un problème. Ah, mais elle me le fait de temps en temps, ça. Hein. Non, mais elle a un souci dans sa tête. Hein. Elle est vraiment. Enfin bref. Bon, on la rappelle. Allô, casse-couille. Okay. C'est ça, ouais. On la rappelle, ça va bien se passer. Ce sera court. Ouais. Ouais, mon cœur. Ouais. Ouais, c'est moi, nous. Dites-lui qu'elle vous parle mieux. Vous laissez pas marcher sur les pieds, hein. C'est qu'une fille. Ouais. Bah, elle me voit de temps en temps aussi, mais. Ah bon? Ah bah, on met ouais. Ça sur son casier en plus, il y a un parfait. D'accord. Bah, tu buvais? Ouais. Ouais, bon, j'ai parlé un peu avec eux là, il y en a un qui m'a frappé dessus. Ah bon? Ils sont d'accord peut-être de me relâcher, mais il faudrait que tu viennes là, j'ai besoin de toi. Bah écoute, moi je vais te dire un truc là, ce qui vient de se passer, c'est vraiment que là j'ai été testé niveau de la drogue et tout. Laisse tomber, c'est vraiment des groupes d'erreurs. Ouais, mais c'est pas ça, voilà quoi, là ils veulent venir te chercher et. Ils cherchent du pognon. Ouais, mais pour que tu me lâches, tu me promets que tu m'en voudras pas, bébé, mais pour qu'il me lâche, je vais dire que c'est. Je vais venir te chercher. Ouais, mais après, je te jure, je te dépose dans le château, mais il y a juste un problème. Il y a juste un problème peut-être, c'est que pour qu'ils puissent me lâcher, j'ai dû leur dire comme quoi. Et c'était toi qui m'as demandé pour les cigarettes et tout, et puis voilà quoi. Donc il faudrait juste que tu leur dises. Leur disent que c'est toi, c'est tout. Mais attends, c'est toi qui, moi j'ai dit, ok, c'est moi, mais attends, si toi t'as été un gros gamin, c'est mon gros, t'es assez grand, t'es avec pas chercher, va. Ouais, je sais, mais bon, voilà, quoi, mais attends, ils sont d'accord de me lâcher. Excusez-moi, vous pouvez lui dire qu'elle parle que en français, hein. On est en France, ouais. Ici, hein. D'accord. Et il y a, derrière, il dit comme quoi, il faut que tu parles en français. Il met pas le français ou pas. Est-ce que je leur ai donné du fric? Non, j'ai dit que en français, hein, dites-lui, précisez-le, hein. Est-ce que je dois lui donner de l'argent? Non, que du français, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il y a ma copine qui demande si elle doit payer quelque chose ou pas. Ah oui, 5000 euros d'amende. Oh, laisse lui qui prenne des cours d'orthographe et de français. Il a dit 5000 euros. 5000 euros? Ouais. Il n'y a pas moyen de s'arranger. Oui, enfin, c'est pas les soldes d'ici, madame. Hein. Enfin, je te le passe, comme ça tu vois avec lui. Bon, bah, passez-la moi. Vous voulez que je la passe? Voilà, passez-la je la moi. Elle avait pour 2000, mais elle a trop parlé. Allô? Bon, oui. 5000 euros, madame. Hein. 5000 euros, mais attendez, je suis pas ce blé-là, moi. Comment? J'ai dit que français, on est en France. J'ai pas d'argent comme ah ça, bon. Moi. D'accord, ok. Ah bah oui, mais il faut en trouver, hein. Ah, attendez, comment je fais, moi, pour cet argent-là? Moi, je trouve pas, moi. Bon, vous avez qu'à venir en commissariat. Ah oui, au commissariat, je vous paye comment, moi? En nature. Hein? En nature. Vous voulez en nature. En nature. Ah, okay, d'accord. Explique-lui que c'est pas des hortes nature. Oui, vous n'amenez pas avec la confiture, hein, ça nous intéresse pas. Enfin, si, on pourra jouer avec, mais bon. Ah, d'accord, vous voulez carrément que je vous suce ou quoi? Par exemple. Bah, vas-y, je viens, puis je vous fais ça en nature. Hein. Ah, vous seriez d'accord? Bah, je suis ok, du moment que je suis, mon gars. Bon, bah, très bien. Bah, alors, ok, donc vous nous attends, sucez tous quoi, et puis... Elle veut fermer son gars? Non, elle veut qu'on sort son gars. Mais j'ai dit que français, madame. Moi, on va faire comme ça. Moi, je vais venir. Hein, on va plus ça. On va venir, on va s'arranger, je sais pas, amicalement. Hein, on va dire bonjour, machin, et puis on s'arrange autrement pour le faire. Non, j'ai dit que français. Parce que c'est moi qui est dans l'histoire. C'est moi qui l'a forcé. Et elle avoue. Je comprends pas. Fabrice. Ouais. Tu l'as eu, elle a été livrée avec un dictionnaire? Je sais pas pourquoi. Avec traducteur. Traducteur intégré. Traducteur. J'avais pensé. À mon avis, je crois qu'elle doit être d'origine d'une autre origine, et c'est le traducteur Google. Ouais. c'est pas même pas si c'est Google, il faudrait demander à sa mère ce que c'est comme traducteur, ou j'en offrirai à Noël, je crois. Bon, Laura. Quoi? C'est Mickaël, t'étais en direct à la radio sur Énergie, c'était le GAV. Il faut avoir mon cœur. Je vous crois pas. Bah, ça tombe bien parce qu'on n'y croyait pas dans l'autre sens non plus. Ouais. comme ça on est ex aequo, c'est bien. Non mais c'est pas possible que tu parles comme ça aux flics, Laura, quand ils t'appellent. Bah, je sais même pas si c'est vrai, quoi. Non, mais en tout cas, c'est pas les flics, hein, ça c'est sûr. T'es en direct à la radio, pour toi, d'ailleurs. Laura. Ah, parce que si t'étais les flics, je crois que ça se passerait autrement. Franchement, j'ai pas peur des flics. Non, mais on voit ça, oui. Non, mais il y a une différence entre pas avoir peur et les insulter. C'est-à-dire que là, tu fais ça à des vrais flics, ils viennent te chercher. Ah, bah, ils viennent te chercher. J'ai pas peur des flics, hein. Non, mais on a compris. Bon, c'est pas grave. Ah, tu sais quoi, de toute façon, c'est les soldes, là, liquidation avant transformation. On va te filer le pack Blu-ray quand même avec le Blu-ray, d'accord? Nickel. Bon, bah, d'accord. Bon, ça marche. Allez, salut tous les deux. Salut. À bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir. À voir, ouais. Bah, j'essayais de... Ouais, de communiquer, quoi. Ouais, voilà, c'est à ça. À voir à l'année prochaine. De quoi? À l'année prochaine. Attends, qu'est-ce que t'as essayé de dire, là? À l'année prochaine. Ça veut dire pour parler après, demain. Ok. Bonjour. J'ai dit ok. Ouais, non, mais tu pas vidéophone, et puis après, quand tu pas, tu dis demain, on verra à la prochaine. Ok, très bien. Voilà. Bon, allez, toujours liquidation avant transformation. D'ailleurs, j'ai pris la machine. Ah, okay. On a des pâtes de sapin à vendre. Si c'est pour le bois. C'est pour la tranche. Du bois, toi. C'est pour la transformation de la tranche. Voilà, je fais des tranches, quoi. Tu vois, les unes après les autres. Michael, le podcast. Et on va se faire le question pour une réponse maintenant avec Joshua qui est là pour le question pour une réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Eh oui. Voilà, question pour une réponse, comme je disais, avec Joshua qui est là, 17 ans. Salut Joshua. Bonsoir à toi Mickaël et bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Bonsoir. Ah bah bonsoir. Ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien aussi, hein, tranquille. De l'autre côté, Assa qui a 18 ans du 93. Salut Assa. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon. Salut à toute l'équipe. Eh bah écoute, toute l'équipe te salue. Bon alors, Assa, on va faire le question pour une réponse. Tu veux jouer avec qui Assa? Avec le roux. Ah, mais ça c'est pas possible, parce que c'est-à-dire que Joshua veut aussi jouer avec le roux. Sachant que c'est le roux. Sachant que c'est le roux qui a écrit des questions, il ne peut pas jouer malheureusement. Nos. Bon, avec Sandro. Avec Sandro. Et Joshua, tu veux jouer avec qui? Avec Toff. Je me lèche les babines. Très bien. Donc alors, Joshua avec Toff, Assa avec Sandro. Tu te fous de ma gueule, Sandro. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de tricher encore. Mais non, mais d'habitude, quand je fais ça, ça te dérange pas. Pourquoi à chaque fois, au moment du QPR, ça te dérange? C'est ça, ouais. Bon, vous êtes prêts, Joshua? Ouais. Tu sors, pas. J'ai rien fait. Tu sors. Qu'est-ce qu'il est parano? T'es pas là par hasard. Mais t'es oui, pas là par hasard. Bon. Vite, bon, vite, j'ai pas le temps. Vite. Allez, vite. La pub. Vite, vite. Oui, c'est ça, il joue bien, Michael. Oui, bah je sais, Pedro. Allez, c'est parti. Bon, allez, vite. Première question. C'est Julien, c'est pas Pedro, par contre. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais tu me fais assez, c'est pour c'est ça grave. Que j'ai ça. Oui, mais peut-être perdre du temps là. Bon, Joshua, tu joues avec Sandro, Assa, tu joues avec Sandro. Bravo Micha. Assa, Joshua, tu joues avec Toff, Assa, tu joues avec Sandro. Allez Assa. Allez, on y va, première question, vous êtes prêts? Allez, Assa. On s'arrête là. Non, enfin non, d'abord les trois questions. Top, je suis né le 11 décembre 1938 en Algérie française et j'appartiens à une famille Sandro de musiciens de Malouf. Super Nani. Non, mon père est violoniste dans l'orchestre de Raymond Léris, dit Cheikh Raymond, qui est aussi mon beau-père, mais j'apprends aussi la guitare avec des amis gitans. Mon nom d'artiste résulte Sandro d'une erreur. El Château. Non. Quelle honte. D'une erreur de la secrétaire de la maison de disques qui a mal compris mon nom au téléphone. Je suis à l'origine de tubes comme Aïe Aïe Aïe, la fille de mon pays. Enrico Macias. Bonne réponse. Exactement. Mendiant voilà, c'est gagné. L'amour et donner. Mon vrai nom est Gaston Grenacia et vous avez fait une parodie de moi, je suis Enrico Macias. Bonne réponse pour Sandro et Assa. Deuxième question, vous êtes prêts? Prête. Oui. Attention, prêt. Top. Je suis un terme qui désigne plusieurs plantes du genre Allium, dont Allium polyatum, autrement dit... Sandro. Oui. Super Nani. Non, autrement dit, moi en vigne. Cependant, la plupart du temps, c'est de moi cultivé Allium porum dont il est question. Le moi commun est donc une plante herbacée bisannuelle de la famille des Aliacées, largement cultivée comme plante potagère pour ses feuilles consommées comme Sandro légumes. Sandro, la carotte. Non, tu dis ça doit être chaud. Tu dis à ça? La salade. Non, Toff. Ah oui, j'ai dit la même chose. Non. Je suis produit sous plusieurs noms comme monstrueux d'Elbeuf, Malabar du Nord ou encore jaune, gros du Poitou, un ravageur et principalement un redouté. L'artichaut? Non. La teigne, autrement dit un ver, je peux être également en Toff. Le poireau. Un poireau. Il a triché, il a triché avec vous. De la mouche, de l'oignon, un ami de colo. Et tout le monde sait que c'est rare. Un gros mois sur sa joue, d'après ses dires. Un certain David Gros puis moche. Il a triché. C'est elle la patronne, c'est elle qui décide maintenant. Un partout, attention, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps, Sandro. Ok. Ça doit être chaud. Dernière question, vous êtes prêts? Ça s'annonce tendu ce soir. Attention. Top, je suis le 26 décembre 1971. Sandro, j'arrête les taux. T'as triché. On n'a pas le temps. Wow. T'as triché. On n'a pas le temps. Voilà, très bien. Mais enfin, il n'y a pas de temps à faire. Bien joué, bravo. Ouais, bien joué, bravo. C'est gagné. Ouais. Bravo à ça. Oui. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Qui a balancé? Ouais. Hein? Qui a balancé la réponse? Non, hein? Je savais. Je saurais être généreux. La, oui, la date de naissance. C'est gagné. Je saurais être généreux. Non mais les réponses du QPR ça n'a pas de prix. Exactement. Surtout en ce voilà, moment. C'est gagné. Ah, justement. Bah ouais. Autant prendre un peu d'oseille maintenant que de garder ça pendant quelques jours. Non, oui, je vais finir là-haut. Tu parles. Oui. Je vais finir en haut. Oui, c'est gagné. Ça, ouais. Bon, Joshua et Assa, c'est gagné joué, tous les deux. Bravo. Vous allez aller chez Micha au standard, d'accord? Voilà, très bien. D'accord. Salut à vous. Hé, hey, Julien, tais-toi, putain, tu me saoules. Salut Joshua. Oui Joshua. Est-ce que je pourrais passer une petite dédicace? Alors s'il vite, te plaît. Très vite. Moi aussi je pourrais passer une petite dédicace. Oh là là là là. En même temps, en même temps. Je passe un petit coucou à ma sœur qui m'écoute, à Olivier et à toute la classe de 1STG2 du lycée La Coulinière. On s'arrête là. Parfait. On s'arrête là. Le message est passé, Joshua, et à ça. Stop, stop. Pourquoi le bip? On s'arrête là. Hey, on Julien, s'arrête là. Je vais te donner une tarte dans ta gueule, Julien. Et je me lèche les babines. Je vais te foutre mon point, Julien. Et là, il est déçu. Bon, Joshua, il y a ça, à bientôt. À bientôt. Salut à vous. Putain, il faut pas passer les speakers. Quelle est cette saucisse de... Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Nédine, qui est là maintenant, de Lyon. Comment ça va, Nédine? Bien. Bon, bah, et sois la bienvenue. Bon, alors, donc, toi, tu voulais réagir par rapport au petit sondage qu'on a lu en début d'émission. Petit sondage, donc, qui disait que les filles étaient de plus en plus ouvertes, ou en tout cas, elles l'admettaient plus aujourd'hui, puisqu'on a vu, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, qu'elles étaient beaucoup plus ouvertes à la fellation, à la sodomie. 38% de plus pour la sodomie. C'est vrai, et 78% pour la fellation, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, ouais. Qu'elles regardaient des films de cul avec, avec leur mec et tout. Donc, toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah moi je pense que c'est tout à fait vrai et en plus je fais des réunions sextoy. Ah tu fais des réunions sextoy? Ouais. Oh là là là. Depuis 3 ans. D'accord. Donc, mais voilà, alors qu'est-ce qui se passe dans une réunion sextoy? C'est comme les Tupperware là, tu vois, les petites boîtes? Ouais exactement pareil. C'est dingue ça. En plus cool et en plus drôle. Ça en alors. Plus sympa. Ouais, sympa. Voilà. Donc en fait pendant une réunion, je leur explique un petit peu toute la gamme qu'on a. Ouais. Donc on a une gamme de lingerie, des godes aussi, bien sûr. D'accord. Et puis je leur explique où ça se met, comment l'utiliser, et puis je leur apprends à s'en servir, quoi. Et puis c'est fort ça, donc en fait tu fais une école pour ça. Ouais, voilà, exactement. Je suis pas sexologue, mais voilà, j'apprends beaucoup de choses sur la sexualité et qui est du bonheur. D'accord, putain c'est bien, mais qu'est-ce que t'as appris depuis que tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai appris? Oula, plein de choses. Je sais pas moi, un truc tu sais, qui t'a marqué en disant putain ouais, ça sans ça je l'aurais pas fait. Ouais. Du mal, hein. Pas grand chose a priori. Non. Quand je suis rentrée là-dedans, je connaissais pas grand chose. Et maintenant, moi je parle mon histoire perso. Hein. Voilà, je connais mon corps grâce au sextoy et je m'épanouis. Voilà. Je suis vachement plus épanouie et c'est le message que je veux faire passer et ça marche quoi et tu as du bonheur, voilà. Putain, c'est bien. Donc tu préfères le sextoy ou tu préfères un mec? Ah les deux. Ah les deux quand ouais, même. Il faut alterner, hein, une fois l'un, une fois l'autre, sinon après tu te rends pas compte. Non, c'est le mec qui tient le sextoy, là c'est bon là. Ah le mec qui donc ça bite plus rien quoi. Non, ça sert à rien. Si, c'est après. Ah ou alors c'est en double. Voilà, non. Ah ça non. Non. Ah, je sais pas, moi je demande. Et, pendant les préliminaires, on excite avec le sextoy et puis après, on termine avec sa bite. D'accord, ok, écoute, pourquoi pas, après c'est un plan comme un autre, hein, c'est parfait. Donc, hein. Moi quand j'entends les nanas qui disent le sextoy c'est mieux que le mec, moi ça me fait bondir en fait, parce que c'est pas du tout ça, c'est justement le sextoy, c'est pour exciter aussi bien l'homme et la femme, et c'est pas ça remplace pas une femme et ça remplace pas un homme. Non, ça on est bien d'accord, effectivement. Voilà. Et c'est complètement con de parler comme ça. D'accord. Bah écoute, merci Nédine d'avoir donné ton avis. Hein. Et puis bonne réunion sextoy dorénavant. Ouais, on va continuer encore longtemps, je pense. Hein. Eh bah écoute, c'est parfait, ça marche. Bon, gros bisous Nédine. Et puis merci vous aussi. Et puis à bientôt. Continuez, hein, votre émission est géniale, j'adore. Bon, c'est gentil. Merci Nédine. À bientôt. Salut. Ciao à toi, bye bye. Bon, on va enchaîner directement avec The Polo Show. Ouais. Allez, c'est parti, hein, je laisse ma place. Jingle du Polo Show. What's up, what's up? Hey, what's up? This is the Black Eyed Peas. And you're watching the boop, boop. Yo! Yo! Yo! Yo! Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Il est tôt. N'oublions pas que j'ai changé d'horaire, donc profitez-en. Allez, le Polo Show, c'est une émission courte, très courte. On va faire un peu de pub et on se retrouve juste après avec les auditeurs. Énergie et Dulcolax présente Enrico Lachias, le chanteur le plus... le chanteur le plus lisse et le plus coulant de sa génération. Ce caleçon pourri, j'ai chié dedans aussi. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Bonjour de tout pays, sentez ce paix. Moisy, prenez ce cadeau et puis pétez aussi. Et sa chanson où il invite tous les pays et toutes les religions à se lâcher chaleureusement. Il sera en concert à l'hôpital Velpeau à Velpeau demain midi et à la maison de retraite Francine à côté de la Napoule. Prendre autoroute A956 direction Plouc-Saint-François et là vous y êtes presque. Enrico Lachias en live, un événement énergie. Monsieur Bonsard, ici Patrick Poivre-Dervaux. Aujourd'hui, nous accueillons le Popopopopopolo Show animé par un gros chauve, une émission que j'affectionne particulièrement. Connard. Oh là là. De retour dans le Polo Show, qui est là? Allô? Ah, bien entendu, il faut que le standard ne marche pas. Hein. Il est en panne? Bah, je sais pas. Attends. Ah, c'est allô bon. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Bon, allez, casse-toi. Qui est là? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô, allô. Ça marche pas, c'est de la merde, bon, ça marche pas, regarde ça. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allez, dégage. Qui est là? Allô. Allô. Allô. Monsieur Chant. Allô. Allô, monsieur Chant. Allô. Monsieur Chant, c'est vous? Allez, casse-toi. Qui est là? Oh non, pas lui. Ah, c'est monsieur. Eh, hey, qu'est-ce que tu veux? Ah non, c'est pas monsieur. Monsieur, eh, eh. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. J'en ai marre d'entendre ça, tu peux pas t'imaginer, ça me... Il est pas là, Ikaël. Ah, il est pas là, Sadra. Ah, d'accord. Tu pourrais dire merci à Jacques pour son texto? Il est en train de manger du couscous. Eh, Sadra, le couscous, moi. Bon. Il est là, le pervers. Il est pas là, le pervers. Ah bon d'accord, tu sais que j'ai acheté un poker. Ah bah c'est bien ça, ça me ravit. Il s'appelle pour bon, monsieur est... Bon allez casse-toi toi aussi. Allô, qui est là? Michel, est-ce qu'on peut... Attends deux secondes, est-ce qu'on peut mettre des gens au standard là? Eh, c'est blindé, tu rigoles ou quoi? Il y a au moins encore 15 lignes. Tu raccroches au nez de tes auditeurs? J'ai raccroché au nez de personne moi, c'est le problème du standard. Qui est là? Polo. Ouais monsieur, Eh Polo, tu dis à l'autre bâtard qu'il arrête de parler de moi comme ça. Eh calme-toi, tu parles pas comme ça des gens, tu te crois ouais, où attends, là attends, tu te crois où sur... Tu crois qu'on est sur... Tu te crois où? Bah tu me fais, je me crois. Quoi, calme-toi, calme-toi. Je vais appuyer là, je vais te raccrocher au nez tout de suite. Bon, qu'est-ce que non, tu veux, monsieur? Polo. Pourquoi t'insultes ce pauvre homme qui n'a fait que... Qu'il fasse son régime et qu'il nous emmerde. Oh pas mais tu le connais. Apparemment vous connaissez, c'est ça qui est grave. Eh ben qu'il remette ses couches. Bon, monsieur, hey, tu vas continuer longtemps à me saouler ou tu vas dire des choses concrètes? Eh bah oui, je pose la question, puisqu'on m'a dit idiot. Quoi? Ne me parle pas mal. Deux secondes, je te parle comme je veux. Ah, Micha? Ah bah il est là, cigarette au bec. Monsieur, hey, Polo. Qu'est-ce qu'il fait? Micha? Le standard? Hein? Bon, comment il s'appelle? Hey. Monsieur, hey. Polo. Ça raccroche. Eh hey, Polo. Quoi? Oui, on sait, qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Il est pas là, Ike, voilà, il est pas là. Voilà, il est pas là. Il est pas là. Il paraît, eh hey, Polo. Quoi? Il paraît que tu fais plus d'audience que Ike. Faisais. Attends, et je tiens à te signaler que je ne suis pas. Je ne suis pas un postier, donc t'arrêtes de dire ça, t'as compris? T'as compris? Est-ce que t'as compris? Parce que tu sais, le coup de tête balayette, ça part vite chez moi. Eh ouais, mais oh, tu calmes ton chiffon, je le prends, je me torche le cul avec, moi. Polo. Je prends chiffon, je me torche le cul avec. Ne parle pas de chiffon comme qu'est-ce ça, qu'il y a Polo. Qui tu vas faire quoi? Parce que tu faisais moi le malin hein, tout à l'heure. Genre. Bon, qu'est-ce que tu veux? Polo. Ouais, attends deux secondes. Qui est là? Aïe, Poyo. C'est Baptiste, ça va? Salut, Baptiste. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait très longtemps, ouais. Qu'est-ce que tu veux, Baptiste? J'ai reçu mon bulletin de notes. Ah, et alors? Y a ma mère, elle est pas contente. Hein. Pourquoi qu'est-ce que ça fait? Ah bah, c'est mauvais. C'est mauvais, hein? C'est mauvais. Hein. Ouais, c'est mauvais. Alors, t'as eu combien en maths? J'ai eu deux. Deux? Ouais, mais c'est mieux que l'année dernière, j'ai vu un. Hein. Eh, en français, t'as eu combien? Parce que je sais que t'écris pas très bien. 18 sur 40. Bon, Baptiste... Là, je suis coincé dans ma chambre, je vais pas sortir. Baptiste, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah rien, bah je te vois. Tu veux qu'on fasse péter l'Apollo Solidarité? Après, on fait péter l'Apollo Roulette? J'aimerais bien. J'aimerais bien gagner un petit cadeau. Et puis on va mettre des disques à fond de balle. Faut dire à Pablo qu'il met la webcam. D'accord, je vais lui dire. Bon, Baptiste, on va y aller, nous. Ah, parce que moi, j'aime bien Fabio. Hein. D'accord, bon, on va y aller, Baptiste. Bah ouais, mais il est sympa, quand même. On va y aller, Baptiste. Au revoir. T'embrasse, t'embrasse tout le monde. Allez, casse-toi. Monsieur, terminé. Gare, ça pousse, ça pousse. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce polo show en mortadelle et en jambon ficelé, si c'est pas un jambon ficelé, c'est pas du jambon. Monsieur, hey. Je t'écoute. Polo. C'est relou, hein, moi ça me fait pareil, je peux plus. Je profite toujours, moi, sache-le. Je suis un des plus grands escrocs que la terre ait connu. Que la guerre. Polo. Je t'écoute, monsieur. Ça fait combien de temps que le polo show il existe? 4 ans, mec. 4 ans d'escroquerie 4... et de finesse dans l'arnaque. C'est pas bon? Ça fait 4 ans. Que et je gagne. Attends. Et pour que les gens sachent bien, je gagne de l'argent avec ça. Et je suis basse. Il y a toute une mafia derrière. Polo. Quoi? Polo. Quoi? Donc, ça fait 4 ans que tu te prends la virgule de Jack dans la gueule, quoi. La virgule de Jack. Polo. Je t'écoute. Il est là, Jack? Non, il est pas là, il mange du couscous. Ah, couscous garbite? Bah oui, c'est bon comme la badie. C'est bon comme la badie. Bon, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Eh ben ouais, bah si tu me laisses parler, je pourrais dire ce que je veux. Bah vas-y. Il est là, Ikaël? Non, il est pas là, Ikaël. Il rigole, hein? J'ai envie de lui niquer sa race. Est-ce que les gens savent pas? Attends, ce que les gens savent pas, c'est que c'est quelqu'un de responsable. C'est un patron qui est père. Qui a donné le bon exemple. Qui est père de famille. Et il est... Bon, allez. Père d'un toutou. Allez. Polo, tu peux dire à Roux qu'il aille se faire foutre, il les aura pas. D'accord, mais il a déjà commencé à se faire foutre. Ouais. Elle est là, Sadra. Elle est pas là, Sadra. Tu penses que ça serait possible qu'un jour je me finisse sur Sadra? Mais bien sûr, mais ça c'est comme si c'était fait. Tu viens à la radio et puis tu te finis dessus, c'est logique. Bah oui, j'ai fini. Ça pousse. Ouais. Oui. Ça pousse. T'as qu'à avoir de m'avoir eBay, toi. Moi non plus. Bon, vas-y. Il est là, Ikaël? Il est pas là. Et bah pourquoi il me parle? Mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Il est là, le pervers? Il est pas là. Il fait des calculs. Il est en mathématiques. Il révise. Il fait les additions. On est en mathématiques. La cigarette. Ouais. Bon, on y va, monsieur. Je peux faire... Parfait. Une dédicace à... Non, allez, hop, je raccroche au nez. Ça, c'est beau. J'adore ça. Alors, merci à ceux qui écoutent le polo show et merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux, je suis dernier et ça, c'est... Bon. Merci les enfants. Parfait. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.